Comment je ça s'est arrêté alors? Ben, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis rentrée en pleurs chez moi et puis j'ai tout avoué à mes parents. Et sur le coup, ils ont voulu me faire changer de collège. Ouais. Et puis je leur ai dit non, c'est pas ce que je veux en fait. Et donc on en a parlé avec le proviseur et je voulais dire que rien que le fait d'en parler aux autres, ça enclenche des choses et puis on croit que tout va s'empirer, mais en fait pas du tout. Tout à fait. Donc il faut en parler. Ce qu'elle dit là est essentiel. Ouais. Très souvent, on veut résoudre le problème soi-même, les autres font pression. Alors, si tu en parles, tu verras ce qui va t'arriver. Puis en fait, quand des adultes, car c'est les adultes qui doivent intervenir, c'est pas à vous à régler le problème. Et en général, ça suffit déjà d'aller expliquer au groupe de harceleurs qu'ils font beaucoup de mal, ce dont ils n'ont pas forcément conscience. Faut quand même bien le dire. Ils font pas ça, ils font simplement pour s'amuser, parce qu'ils pensent que c'est drôle. Et quand on leur explique, effectivement, les relations avec les autres, c'est aussi basé sur, essentiellement sur le respect de l'autre. Il ne s'agit pas d'être ami si on n'a pas envie d'être ami. Et déjà, ça va un peu mieux. Ce d'autant que quelquefois, ça arrive, 7-8% des harceleurs ont été harcelés. Voilà. Bah, écoute, c'est un beau témoignage en tout cas, Inès. Je rappelle, oui, c'est un beau témoignage. Merci parce que ce que tu dis est essentiel. Donc, parlez-en à vos parents si vous êtes dans cette situation-là. On va rappeler le numéro de SOS Harcèlement et sur le site. Allez, c'est le 3020. 3020, c'est très important. Vous pouvez appeler, vous allez tomber sur des spécialistes qui vont analyser votre situation et bien sûr vous conseiller. D'accord. Bah, merci beaucoup, Inès, en tout cas, pour ton témoignage. Et Lucie. Lucie, j'espère que tu vas remonter la pente, là, quand même. Hein. L'homophobie, oui. Vas-y. En fait, j'en ai parlé à mes parents ce soir et je vais aller dans le collège avec la personne avec qui je sors, normalement. D'accord. Alors, moi, je crois que là, on est dans une situation d'homophobie. Il faut aussi lutter contre l'homophobie. C'est quelque chose d'absolument essentiel, tout aussi monstrueux, qui peut déjà bouleverser des personnalités, voire les mettre dans des situations de difficultés psychologiques en raison de ce rejet. Donc l'homophobie est un vrai problème et il faut savoir lutter contre. On va continuer de s'en parler de toute façon, Lucie. On va garder le contact tous ensemble là, dans Love in Fun. On te souhaite bon courage et c'est bien d'en parler. C'est la solution. C'est très important parce que l'homophobie est aussi un autre fléau. C'est déjà fini là pour ce soir. Oui. C'est passé vite encore la soirée là. Merci beaucoup pour cette soirée qu'on a passée avec vous. Oui. Merci pour tous les messages qu'on a reçus dans tous les sens. Là, hashtag Love in Fun. La fanpage de l'émission. Vous pouvez continuer hein, bien sûr pour gagner les t-shirts. Allez-y, c'est jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Et les gagnants seront contactés par message privé direct. Exactement. On va laisser la place à Marion et Anso. Bonsoir, c'est le night les filles. Show. Bonsoir. Salut. En forme. Salut les filles. Wow. Oh putain, mais quelle ambiance. T'as vu ou pas? Ça va, qu'est-ce qui se passe ce soir? D'où nous vient cette petite excitation? Bah rien, on est content de vivre. Ouais, il y a Ibiza un peu. On commence à kiffer le fait de partir. Ouais. Alors c'est énorme parce que tout à l'heure on avait une réunion et tout machin. Anso a dit qu'elle allait faire du monokini. Pas du tout. N'importe quoi. Attends. J'ai justement dit que moi je ne ferais pas de monokini. Attends les gars. Ah merde. T'as pas compris. En fait, oh, quelle déception. Non, mais vous n'allez pas dans un camp de nudistes. C'est pas grave, on se contentera de Marion. Voilà, allez, je paye mes boobs. Ouais. Mais si tu veux, Karel, je pourrais te faire un petit délire nudiste dans ta chambre d'hôtel. Chambre 432. Ushuaïa Beach Hotel Club. Gros bisous les filles. Salut. Bonne soirée. Le Night Show présente... Je suis passé dans le Night Show. Je suis passé dans le Night Show avec Anne Show. Je suis passé pour un marron show. J'ai bu de l'eau. Yes, j'ai réussi. Voilà, c'est bien, mais c'est pas dans le texte. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Show, putain. Et vous, quand est-ce que vous passez au Night Show? Je suis passé au Night Show. Découvrez les bonnes raisons de passer au Night Show en écoutant Marion et Anne Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Et Anne Show. Et Anne Show. Le Night Show. Le Night Show. Sur Fun Radio. C'est le 21 juin. Bonsoir la France. Ah bah ouais. Faites de la musique quoi. Qui siffle comme ça dans l'équipe? C'est Enzo. Vas-y, refais Enzo. Non, c'était pas moi, c'était Max. Je dénonce. Ah, Max, vas-y, refais Max. Oh la vache. Ouais. Ah, ça fait mal, hein. Bonsoir à tous. Non, mais c'est vrai qu'on est tous de bonne humeur déjà parce que c'est le premier jour de l'été. Oui, ça se voit pas forcément encore, mais... Pas encore, mais ça va venir, il faut être optimiste. Et puis c'est le jour de la fête de la musique. Et moi j'adore cette ambiance, l'ambiance Lampion, Napa Caro, et que je te danse de la valse dans les rues. Napa Caro. Bah écoutez-moi, à Nantes, c'est comme ça qu'on fait la fête. D'accord. Chelou tes fêtes de la musique, toi. Bon, ça va Marion? Oui, ça va très bien. Journée cool. On a pas mal bossé là pour vous ce soir. Je me suis fait aussi le dernier épisode de Game of Thrones. Mm-hmm. J'avais pas eu le temps hier. Ça a été un grand moment dans le bureau, ça. Hein. Ouais, parce que alors là, si vous l'avez pas vu, c'est le meilleur épisode de la saison. J'ai surkiffé. Comment il s'appelle l'épisode ? Je sais pas, c'est l'épisode 9. C'est ce que je peux te dire. Le battle des bâtards, un truc comme ça. Si, c'est clairement une battle et franchement, il y a du niveau. Oui, je vais pas spoiler parce que Max, notre auteur, l'a toujours pas vu et je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent qui l'ont pas vu, mais vraiment, il fait du bien cet épisode. Mais faut savoir que Marion, elle a tellement, elle trouve ça tellement dégueu par moment qu'elle coupe le son. Ah bah pendant longtemps. Ah mais moi j'ai hyper peur. Voilà. C'est-à-dire que je peux pas écouter les gens crier, ça me folle. Ça va pas. Et toi ? Bon moi les gars, j'ai envie d'une musique de la joie, Mano. Musique de la joie. Je me suis acheté un maillot de bain. Non mais alors, ça peut paraître anodin pour certaines personnes, mais Anso ne s'était pas acheté de maillot de bain depuis 4 ans. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Donc il va falloir passer une autre étape, c'est-à-dire le mettre devant tout le monde et toute l'équipe de Fun Radio. Mais moi, je ne reviens pas que tu te sois jamais baigné pendant 4 ans. Bah je te si, jure. J'attendais d'avoir d'être désinhibé. Ouais, non, mais quand même. Mais il est beau en plus. Elle nous a pris un joli maillot, une pièce rayée, bleu et blanc, tout en Jean-Paul Gaultier, archi mignon. Ouais, hyper mignon. Et ça m'a coûté un œil cette histoire. On vous fera des snaps, on vous montrera Anso en maillot. En veux-tu, en voilà. Je te montre mon cul. Bon, ce soir, on va bitcher ensemble, hein, comme chaque mardi, c'est le moment là. Si vous voulez bitcher avec nous, vous pouvez critiquer ce que vous voulez. On juge pas, on est comme ça dans le Night Show. 01 42 48 5000, ça peut être une émission télé, ça peut être une star, ça peut être un animateur télé, ça peut être n'importe quoi, les soldes, enfin j'en sais rien, la fête de la musique. Vous venez bitcher avec nous tout à l'heure et puis on aura Julie aussi au téléphone. Ouais. Julie, elle a fait sa première fois. Ouais. Jusque là c'est cool, elle a 17 ans, tout est normal. Sauf qu'elle veut le dire à son père et elle sait pas comment. Alors je ne sais pas pourquoi elle veut le dire à son père, mais elle a envie d'avoir des conseils là-dessus. Donc si vous en avez, 01 42 48 5000, numéro gratuit. Mais évidemment. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais dit à mon père. Moi non plus. Mais je sais pas, peut-être qu'elle a une relation de confiance avec lui ou je sais pas. Bon, on en saura plus tout à l'heure. En tout cas, ce soir, on va écouter Ken Jones. C'est notre morceau préféré avec Marion. Le Shisei Konnichiwa. Ouais. On l'adore. Et I said pardon madame, qu'on ne comprend toujours pas. Voilà. C'est bien, ça fait réviser les langues en période de bac. On aime. Enfin, en vrai, il dit bonjour madame. Et puis, il y aura DJ Snake aussi. T'as quand même dit DJ Schneck. Non, on est à deux doigts. Ah bon? DJ Schneck, oh non. Je vous assure, elle a mis DJ Schneck. En plus, c'est le pire mot qui existe. Schneck, c'est vraiment le mot. C'est dur, c'est vrai. C'est horrible, quoi. Oh mon dieu. Et puis, tu vas me caler un Justin aussi. Tu vas te débrouiller, Mano. Là, j'en ai rien à foutre. J'ai envie d'écouter Justin ce soir. Non, si, je pas. Bah, elle fait ce qu'elle veut. C'est son émission, non? Alors, Mano. Justin Timberlake, c'est parti. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Salut les filles, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super, je suis heureux. Je suis perturbée, je te vois pas, il y a un drapeau qui nous cache, qui nous sépare. Ah bah oui, parce que c'est à l'occasion de l'Euro, le studio est en Corée. Et là, c'est le drapeau de la Suisse. Exact. Non, c'est pas le drapeau. C'est la Finlande. C'est la Finlande. Non, c'est bon, bah. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Bon, bah, c'est rouge et blanc, quoi. Sérieux, qui filoie, il est sympa le drapeau. Oh là là. Bon, ça va, Amir? Bah, ça va, super. Enfin, j'ai vécu un petit truc un peu bizarre quand même aujourd'hui, du coup, je suis un petit peu perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais dans le bureau tout à l'heure. Avec Anso et j'avais mal en fait au niveau de mon pectoral. Ah ouais, c'est horrible. Non mais j'avais mal au niveau de mon pectoral. Oui. Alors du coup, j'enlève mon t-shirt, enfin je baisse un peu mon t-shirt et là il y avait une espèce de avait comme une boursouflure. Comme ouais, une espèce de boursouflure, un truc qui ressemblait à une araignée sous la peau. Ouais. Non, arrête. Non, je te jure. C'était un point noir. Non, je te jure, c'était comme une araignée sous la peau et j'ai même touché, j'ai trouvé ça chelou. J'ai dit à Anso, je fais putain, Anso regarde et tout touche. Elle a touché, c'était dur. J'ai remis mon t-shirt. Il a appuyé dessus. J'ai appuyé dessus. Et quand j'ai enlevé, il n'y avait plus rien. Ah, mais c'est dégueulasse, mec. T'as une bête sous la peau, quoi. Je suis sûre. Mais, et en fait, ça se trouve, peut-être que je vis avec une bête dans mon corps depuis un moment. Mais attends, mais il faut que tu te renseignes sur internet. Ça se trouve, c'est un délire, un tic. Je suis allé sur Doctissimo, mais a priori, je suis déjà mort depuis 5 ans. Là. Ah, ouais, bah c'est sûr. Ah oui. Doctissimo. Non, mais moi, j'ai peur que ce soit un tic, sans déconner. Hein. Non, Marion, c'était pas un tic, c'était énorme ce que j'avais. C'était gros. Mais tu crois que les tics, c'est pas gros? Marion, il y avait plusieurs pattes. Mais justement, t'as déjà vu un tic? Et Marion, ça dansait. Non mais arrête. Je comprends même pas pourquoi t'es pas encore aux urgences. Il veut pas admettre. Oh ça va, je vais bien non plus. J'ai un petit peu mal à la gorge en fait, mais c'est tout. Ah, bon, si vous voulez donner des conseils à Amir, hashtag le Night Show, il est sur les réseaux sociaux, il vous répond, Marion et Anso partout. Toujours. On continue à s'abonner sur la chaîne YouTube, on va arriver aux 100 000 avant la fin de la saison. Ouais. Ça me paraît compliqué, on arrive aux 95 000. 5 000 c'est faisable. Gardons espoir. Oui, on va dire ça. Bonsoir Mano à l'arrière. Bonsoir. Il va bien? Ouais, un peu déçu parce que le boss a dit qu'on pourrait pas être en Marseille à Ibiza. Enfin, bon, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on a un dress code. C'est vrai qu'on a une réunion aujourd'hui concernant Ibiza puisque toute l'antenne se délocalise là-bas là, pour fêter la fin de saison, les audiences, tout ça. Ouais. Et donc, le dress code, on la joue un peu classe, on n'a pas le droit au Marcel et au Tong. En fait, je crois qu'il a hyper peur qu'on lui fasse honte là-bas. Ouais. Mais en même temps, il a raison. T'imagines 60 personnes en Marcel, en Tong. Non, mais faut dire que. Dans l'équipe de fun, il y a 2-3 personnes, le style, c'est pas trop leur pote, quoi. Est-ce que là-dedans, tu veux parler de Enzo standard? Ouais. Non, alors là, je vous suis pas. Enzo, il est hyper swag. Eh oui, je sais. Non, on parle plus de fonf du matin, par exemple. Non, mais... tu vois, par contre, je me demande si Cindy, elle va mettre des shorts leggings. Ah ouais. Alors, très belle transition, Cindy. Bonsoir, comment tu vas faire? Non, je mettrai une robe. C'est vrai? Eh oui. Mais on va voir tes jambes? Bah peut-être pas toutes mes jambes, mais un petit peu. Attends, parce qu'on n'a jamais vu ses jambes, elle est en legging toute l'année, Cindy. Ah oui, mais elle a une peau de pêche en plus. Ah, ça va être bien. Et Enzo, alors, comment tu comptes t'habiller, toi? Bah moi, je vais être tout nu, je pense. Hey, parce que visiblement, j'ai un style de merde. Non, c'est pas vrai, t'as un beau style. Je me bats tous les jours devant le miroir, ok les gars? Mais tu sais qu'il est pas bien, parce que forcément, vu qu'on est 60 et que bon, faut faire des économies à un moment donné, on n'a pas de bagage en soute. Ah ouais. Ouais. Du coup, on voyage tous avec notre petit bagage main, donc on n'a pas le droit au liquide au-delà de 100 ml. Et Enzo, il est pas bien, il a été acheter ses petites fioles à Sephora. Il se dit, comment je vais faire? Et mon parfum, comment je le mets et tout, tu sais. Une vraie chochotte. Et surtout que sa meuf lui fait la misère. Bah oui, forcément, mec, tu veux ramener du parfum là-bas, ça veut dire que t'as envie de pécho. Non, même pas, c'est juste pour sentir bon. C'est un truc très important. D'accord, Enzo. Elle écoute ce soir? Non, elle écoute pas. D'accord. Ah bah c'est cool. Si. Elle écoute. Non, elle écoute pas, comment tu peux savoir? Pourquoi tu m'engueules là, t'es sérieux? On va le surveiller, ne t'inquiète pas. Ouais. Enzo, présente-nous le premier auditeur de la soirée. Ah bah alors, c'est ma meuf. Il est vraiment marrant. C'est Cyril, il a 16 ans, il habite à Paris. Et en fait, grâce à vous les filles, il a eu un truc de ouf, voilà. D'accord. J'ai l'impression qu'à chaque fois on est des génies quand on commence cette émission. Ouais. C'est toujours grâce à nous. Grâce à vous les filles, il a réussi à pécho. Grâce à vous, elle a reçu un cadeau de ouf. Bonsoir Cyril. Salut les filles, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ben ouais, nickel, tranquille. Bah alors, qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Eh ben, figure-toi que je suis passé dans l'incroyable talent il y a 4 mois, ou ça doit faire 4 mois. Ouais. Mon talent, c'est animateur radio. Et si tu veux, j'ai un directeur d'une web radio, bon, qui est pas très très grande et pas très très connue, si tu veux, mais quand même, voilà, ouais. qui était en train d'écouter une night show et en fait qui a essayé de me trouver sur Facebook et qui m'a ajouté sur Facebook, qu'on a discuté pendant un petit moment et qui au final m'a pris sur sa web radio et puis du coup je fais plusieurs tranches horaires et tout grâce à vous. Oh, c'est fort, ça. Mais t'avais perdu chez nous? Comment? T'avais perdu le droit de venir dans le studio ou t'avais gagné? Non, j'avais gagné. Tout le monde avait dit oui. Et donc, et bah, il faut que tu viennes? Bah ouais, j'aimerais bien. On va s'organiser ça là. Bah, il reste une semaine. Ça va être chaud. Ouais, peut-être presse-toi quand même, Cyril. Hein. Bah ouais. Ah, c'est top. Et du coup, maintenant, t'es animateur, quoi. Voilà, du coup, ouais. Et puis j'ai mon petit studio. Bah, j'avais déjà mon petit studio, mais du coup, bah disons que là maintenant, je suis sur une plus grosse web radio avec plus d'audience, quoi. De toute façon, il a une voix de radio. Hein. Ça s'entend tout de suite. Ça s'entend, c'est sûr. La tchatche. Et ben, c'est cool. C'est quoi le nom de la web radio, du coup? Move Radio. Ah, ok, d'accord. Tu es pas fort. Je crois non. Mais c'est certainement très sympa. Eh ben écoute, c'est cool, tu peux nous envoyer quand tu veux des maquettes, des trucs si t'as envie qu'on fasse passer ça à Fun Radio, peut-être pour un level supérieur la prochaine fois. Je croyais que t'allais dire, cool. Peux nous envoyer quand tu veux de la thune pour nous remercier. Non, quand même. Eh ben Cyril, tu viens nous voir quand tu veux, mon chat, hein, avant la fin de l'année, d'accord? Ah bah ouais, j'espère, ouais. Eh bien, on t'embrasse très fort, petit homme de talent. Bisous, Cyril. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va jouer avec vous. On a décidé de jouer avec vous puisque c'est la fête de la musique aujourd'hui. Et on a décidé de vous demander de nous appeler pour nous faire deviner des titres. Oui. Voilà. En 3 mots, vous allez nous faire deviner des disques. C'est un blind test géant avec vous tous. Et pour une fois, c'est vous qui nous mettez à l'épreuve. Exactement. Et comme on est très mauvais joueurs, on va bien sûr s'entretuer en début d'émission. 01 42 48 5000 pour nous appeler, c'est gratos en plus. Et pour le son, c'est bon ça. Eraïs Tréfi sur Fun. Bun bun, heaven is his buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get you to dun dun dun. Bun bun, heaven is his buns. to the straight and bruise. Skin on K-Tack on the cruise. Ich hab nun sie immer an, nicht kurf drauf, nicht hat. Bonne fête de la musique tout le monde, c'est le 21 juin, premier jour de l'été. Il y en a plein qui sont dans la rue en train de faire la fête, il y en a d'autres qui révisent là parce que c'est encore le bac. C'est compliqué quand même le bac cette année, enfin comme chaque année tu me diras, mais là il y a la fête de la musique, l'euro, enfin la totale quoi. Bah oui. C'est-à-dire que t'as tout pour te distraire, c'est insupportable et tu dois rester chez toi à bosser quoi. Enfin. C'est bien en tout cas, Marion, de donner du... Bah ouais. Mais je me dis, nous au moins on est avec vous, on essaie de vous détendre si jamais vous êtes en pleine révision. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure là, si vous avez passé le bac, si vous le sentez plutôt bien, plutôt mal. Appelez-nous 01 42 48 5000. Mais avant ça, ouais, on voulait jouer. Petit jeu. Ouais. Avec vous tous. On a envie de deviner des titres. On a envie de voir qui dans l'équipe est le plus calé niveau musique. Actuel, ancien, n'importe. On s'en c'est fout. Quoi, blind test? Ouais, c'est un blind test, mais les auditeurs vont devoir nous donner des indices sur la musique. Donc en trois mots ou en trois phrases. Des indices et nous on va devoir trouver. Donc on établit les règles dans l'équipe parce que je vous connais sur les blind tests. On dit d'abord notre prénom et après on fait la proposition. Mais d'accord, mais hey, excusez-moi. Je peux pas jouer, je suis honnête. Ah oui, t'as les vérifs. Ouais, mais juste, est-ce qu'on attend la fin des trois indices ou est-ce que si on a la réponse avant, on peut y aller? Ça, c'est une règle de base. Ouais, non, direct. Non, on y va direct. Bah oui. Ok, ça marche. Mais Enzo, tu ne joues pas. Hein. Ah mince. Bah non, t'as eu les auditeurs avant, qu'il est con lui. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il y a Amir, Anso et moi. C'est ouais, ça. C'est ça. C'est ok, ça. On y va. Trois. Ça premier auditeur. Il y a David de Paris avec nous. Bonsoir, David. Salut les filles, c'est toute l'équipe. Ça va, David? Salut, David. Ça va et vous? Ouais, ça va. Allez, on t'écoute. Balance les indices. Attends, d'abord, et David, moi, je voudrais savoir sur quel cheval tu mises. Allez, Marion. Ok, okay. Merci. Attendez, parce que là, il a balancé un son, Mano. Il y a un son en dessous? Non, ou... c'est un petit. C'était un petit chrono, question pour un champion. Le mec invente des trucs. Bah, il a raison. Ouais, t'as raison, mon pote. On question. Habille cette séquence, quoi. Une question pour un champion, c'est tellement frais, tellement jeune. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Alors, premier indice. C'est une danse qu'on danse toujours dans les mariages. Marion! La danse des canards? Gagné! C'était facile. Mais qu'est-ce que c'est que ces mariages de merde que tu fais, toi? Bah, écoute, ma famille est une spécialiste. Donc, bah non, mais une danse dans les mariages. Moi, je sais pas, j'allais dire la lambada. T'avais quoi d'autre comme indice? Il y avait un animal. Ah, bah oui, le canard. Et l'autre? Une danse qu'on a l'air vraiment con à chaque fois qu'on la danse en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'était souvent la danse du ventre dans mes mariages. Même. Chacun son truc. Hein. La danse des sourcils aussi. Cool. Bon, bah voilà, un point pour moi. Bon, bah David, t'avais misé sur le bon cheval et c'est pourquoi nous t'envoyons un pack Fun Radio. Merci. Avec un canard dedans. Bisous, bon. David. Bisous. Okay. Bisous. Ciao, ciao. Bon, récapitule, ça fait 1 pour Marion, 0 pour le reste de la planète. Bien. J'espère qu'on aura quand même des titres un peu plus frais, hein, rapport au... Il y a Elodie de Tours avec nous. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, les filles. Bonsoir, garçons. Salut, Elodie. Salut. Alors, Elodie, on t'écoute pour tes indices. Alors, il demande pardon. Amir. Vas-y. Non, pas ce soir. Justin Bieber, sorry. Oui. Putain, tu triches. Hey. Bah mec, pouvait être Ritza, ça pouvait être plein de monde. Moi j'étais sur Ritza. Mais je crois que j'ai pas la baraka. Non, parce que Ritza c'est trop facile. Et sorry, c'est pardon. Ouais. Attends, je sens la tricherie. Ça me saoule. Ça me saoule. allez, un point pour Amir. Elodie, c'était quoi tes autres indices? On l'a vu tout nu et il partage son prénom avec un autre artiste. Ah oui, c'est vrai. Et quel artiste? Justin. Tout il a raison. Eh bien, Elodie, on t'envoie aussi un pack Fun Radio, ma belle. Merci beaucoup, bonne soirée. Bisous, merci beaucoup à toi. Bisous. Bisous, Elodie. Il y a Elias aussi qui est du côté de Limoges avec nous. Bonsoir, Elias. Salut, Elias. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va? Oui, et vous? Ouais, très bien. Il y a Anso, elle est en train de dépérir. Elle a toujours pas de points. Ah, la pauvre. Allez, vas-y. Alors, mon premier indice. Déjà, son nom de scène est composé de deux prénoms. Ok. Ok. C'est un homme qui a fait de la télé. Ok. Et troisième indice, Sardine. Anne- Marion. Marion. C'est qui? C'est Anso. Elle a Amir, commencé hein. son prénom avant. Hein. C'était Anso. Vas-y, c'est Anso. C'est Anso. Ouais, mais j'allais pas du tout dire ça. Heureusement qu'il y a eu le troisième indice. Patrick Sébastien. Oui. Enfin, en fait, c'était pas un indice, c'était une réponse. Quoi. Bah ouais. Parce que sinon, moi, j'étais sur Jean-Luc Lahaye. Oh ouais. Les gars, il y a un point partout là, c'est hyper serré quoi. Oh, il se passe des trucs dans cette émission. Oh, c'est un truc de fou quoi. Allez, le dernier. Elias, on t'embrasse mon chat. Marion Atto. Ouais. Oui. J'ai un truc à vous demander. Dis-nous. Est-ce que vous pourriez suivre le compte Insta Etienne1703 D'accord. Ouais. Et le compte Twitter Gaspard Mater. Je vous en supplie. Bon, bah, ça fait beaucoup de demandes quand même. Anso, elle note. Hein. Mater. Bah oui, moi je suis une bonne élève, je vais le faire. Mater. Ok, ça marche. On fait ça, voilà. Elias, on t'embrasse. Cool. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Il y a Mehdi aussi du côté de Châteauroux. Bonsoir, Mehdi. Châteauroux, d'accord. Oui, je sais. Ça va, Mehdi? Salut, Marion. Salut, Anso. Ouais, très bien. Ça se passe bien à Châteauroux ou pas? Châteauroux. Allez, vas-y. Gros suspense, on a un point chacun, on t'écoute. Allez, go. Ouais. Alors, il a passé son bac il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. C'est un beurre de chez Beurre. Mm-hmm. Et le troisième, vous allez le trouver direct. Alors attends. Anso, je propose. Vas-y. Vas-y. Kungs. Ouais. Oh, bah, genre. Ouais. C'est un beurre, il a passé son bac Kungs quoi. Bah oui, c'est un beurre. Excuse-moi, des beurres, il y en a 6000. Non mais le beurre, Marion, c'est nous qui sommes les artistes. Marion, je peux vous demander un truc? Oui, vas-y Bichon. Est-ce que vous pouvez me repasser la voix, enfin, Amir qui se plante dans son ouais là? Ah ouais, ah bah bien ouais, sûr, on va te le retrouver. Oh Amir qui avait perdu sa virilité et qui avait fait un ouais complètement dégueulasse. Ouais. Ouais. Ouais. Écoute. Ouais. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Ah, c'est bon. Ça le fait trop marrer. Merci de nous avoir appelé. Ambulant, ça va aller. Bisous, Mehdi. Ciao. Ciao, ciao. Bon, bah, c'est une victoire d'Anso. Merci, ouais, les gars. On en a plus là. J'ai 2-3 doutes hein, quand même sur. Moi aussi. Moi, j'ai un doute. Mais arrêtez, les gars. Bah. Chaque fois que c'est pas vous qui gagnez, vous avez toujours des doutes. Quoi. Non, moi, j'ai aucun doute. Totalement confiance en toi. Bon. On va se refaire un jeu, cette fois je ne joue pas. Vous jouez tous, Enzo y compris, parce que personne n'a les réponses à part Mano et moi. Ok. Ouais. Pendant la fête de la musique, on a le droit à de vrais concerts, vous le savez. On a aussi le droit à des daubes sans nom, des reprises de merde. Ouais. Vous allez devoir essayer de reconnaître les titres originaux. D'accord, ok. Ok, okay. Allez, premier. My mama don't like you, she likes Amir. Ah oui. Justin Bieber. Ah, écoute. C'est dur, hein. Alors que l'original. Ah ouais. Il a pas le droit de massacrer cette chanson. Non, c'est interdit. Hein. Ça, c'est notre morceau avec Burr. Complètement. Allez, un point pour Amir, on enchaîne. Anso. Ouais. Europe. Ouais. C'est quoi ça, Europe? Final Countdown, tu connais pas? Countdown. Ça le massacre. Mais la vraie pour Amir. Ah oui. Ah putain. Eh, c'est vieux quand même ça. Hein. Oui, ouais, ça bah, c'est vieux. Mais c'est culte. C'est RTL 2 quoi. Un petit peu plus récent. Amir. Enzo. Amir, vas-y. Dis Amir. Bah vas-y. Bah il fallait qu'on écoute. Alors, ouais. Sur la, bah, c'est Titanic. Quelle horreur. Elle, c'est. C'est des vraies reprises, hein. Ouais. La prochaine, attention à vos oreilles, c'est un conseil. Enzo, Amir, c'est Sia. Ouais. Terrible. Bah attends, mais le pire c'est que le gars avant de le poster sur YouTube, il se dit mais je suis un taulier quoi. Ah mais le gars il se kiffe aussi quoi. Mets la vraie s'il te plaît. Pour moi elle, c'est la plus belle voix du monde. Après Céline Dion, non avant Céline Dion. Adèle. Non, Sia mec. Excusez-moi, vous voulez vraiment qu'on parte dans ce débat? Oui. Allez, celui-là, il est pour Amir, il va trouver tout de suite. Romaille. Amir. Pourquoi je suis partie sans motif? Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Je me disais qu'il y a pire. J'adore. C'est comme ça m'a fait la vie d'artiste. Que ça fait toucher dès qu'on est pris pour cible. Et je vous assure que c'est premier degré. Hein. Ah, mais. C'était une vidéo qui était sortie, je crois, il y a un an, ouais. deux ans. C'était pas un couple de vieux, c'est si, ça Si, si, mais c'est, ils font plusieurs vidéos, non ouais, ils ont pas fait plusieurs doses bah, je crois qu'ils ont fait un buzz avec ce titre et après ils ont continué à surfer dessus. Mais un les peu. Pauvres. Hein. Et pour le dernier petit indice, on le diffuse ce soir, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est Snake. Ah, c'est oui. Ah non, mais les gars. Oh là là. Les gens sans rythme, quoi. Ça, c'est le vrai. C'est génial. Bon, bah, Amir vous a tous écrasé, hein, globalement. Ouais. En même temps, c'était facile. On est d'accord. Alors, ok. Donc, quand je gagne, soit c'est facile, soit j'ai triché. C'était facile, l'équipe, on est d'accord. Ouais, c'était hyper facile. C'était donné. Okay. On te laisse la victoire à toi et à tes sourcils. Et bien du coup, dans un instant sur Fun Radio, ne bougez pas, ce sera le Fun, un incroyable talent qui va débarquer. Il est là. Si vous voulez vous inscrire, c'est simple, hein, marionetanso@funradio.fr. Je l'avais exigé en début d'émission. Là, c'est de la vraie musique. Voilà, ça c'est de la vraie musique, c'est mon cœur, c'est mon amour, quoi. Justin Timberlake tout de suite, Can't Stop the Feeling sur Fun. J'ai envie qu'on bouge son boule dans T'es le amoureuse un peu là. Allez, c'est parti. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Show, c'est Marion et Anso, on est en direct avec vous jusqu'à minuit. Et j'aimerais que tous ensemble nous fassions un point sur les invités que nous allons recevoir là, juste avant la fin de cette saison qui approche à grands pas. Hein, dernière émission le 30 juin prochain. Donc ça veut dire que dimanche, on va recevoir Lola Dubini. Oui, c'est ça. Ainsi que Yuko Nails Art. Nail Art. Nail Art. Mmh. Mais parce que moi, j'ai pas qu'un seul ongle, j'en ai plusieurs. Et puis on recevra aussi mardi prochain Kinvé qui sera avec nous dans l'émission. Ça, c'est cool aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, c'est toujours un très bon moment. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Et si vous avez des questions à leur poser, Marion et Anso @funradio.fr. Hein, on accepte tout ce qui est également déclaration d'amour et chèque scanné. Fun. Un incroyable talent. À chaque fois, t'essayes de les racketter, toi. Mais parce que je suis toujours autant dans la merde, en fait, niveau thune, donc ça m'arrangerait. Ah pas. Bon ouais, ouais, ouais, mais je pensais que ça allait mieux. Non. Bah, tu me demandes plus. Bah non, je te demande plus parce que j'ai bien compris que c'était compliqué, tu vois. J'essaie de comme une grande, de m'en sortir toute seule, donc je dors dehors en ce moment. Manon, elle te demande à toi. Oui, un petit peu. Arrête pas. Bon, le fun, un incroyable talent, ça se passe tous les soirs dans l'émission, ou presque. Marion et Anso, funradio.fr si vous avez un talent. Et on vous rappelle qu'on recherche toujours une animatrice pour le réseau de Fun Radio. C'est très sérieux, il y en a plein qui nous demandent si c'est une blague, comment ça se passe, tout ça. Non, c'est sérieux, on veut de la nana sur Fun Radio. Donc si jamais vous faites de la radio ou vous en avez envie, allez-y, envoyez un mail. Nous, on vous fait passer dans cette séquence. Et si c'est bon, on envoie tout ça au patron de Fun. Parce qu'on est sympa. Oui. C'est Alexandre qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Alex. Salut Marion, salut Anso, salut l'équipe, ça va ou quoi? Yes. Oui, et toi? Ouais. Présente-toi, moi, Alex, t'habites où? Il a quel âge? Il fait quoi dans la vie? Alors, j'ai 16 ans, j'habite au Havre, et je fais des petites imitations comme ça dans mes temps perdus. Ça, c'est ton talent, donc? Ouais. Et juste, t'es en quelle classe? Donc là, je suis en première. Ok, ça a été les examens? Ouais, ça va, je suis arrivé en retard là. à l'épreuve anticipée de sciences. Ah mais c'est bien ça, bravo Alex. Mais ça se passe comment dans ces cas-là? T'as le droit de rentrer quand même? Là ils ont bien voulu me laisser rentrer, mais c'était un peu chaud. Putain, d'accord, bien. Ça faut le faire, arriver en retard le jour du bac. Toi tu démarres bien dans la vie, Alex, hein. C'est ça qu'on aime bien chez toi. Bon Alex, du coup, imitateur. Ouais. Ok, est-ce que tu préfères tenter de nous faire découvrir tes imitations, ou t'annonces la couleur et nous après on juge si c'est bien ou pas? Bah n'importe, comme vous voulez. Anso, on fait quoi? Blind test imitation ou on annonce la couleur? Non, blind test imitation, surprends-nous. Moi je suis au courant de rien, donc comme ça on va voir. Par contre, je sais pas si vous connaissez tout. Enfin, je pense, mais. Allez, on va voir. Ok. On les sur l'internet, moi je me présente. Voilà, donc je m'appelle Alex, j'ai 16 ans, j'ai du Havre. Que moi je suis youtubeur aussi, donc voilà quoi. Alors, c'est Jojo Bernard ou Pépère, au choix. Oui, je le connais celui-là, tu connais Anso? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a une vérif, Mano, pour voir si ça ressemble? Ouais. Je vous mets les poings sur les direct. Là, je suis énervé, assez quand même colère. T'as cru que moi, c'est bon, hein? C'est bon, elle peut aussi... Ah ouais. Non, mais j'ai même l'impression que Alex fait mieux Jojo Bernard que Jojo Bernard lui-même, en fait. C'est assez bluffant. Ouais, franchement, ouais. C'est ouf. C'est pas mal. Est-ce que t'as autre chose? Ouais. Ouais, je vais faire celui-là. Wouhou! Salut, Trouduc! Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, la forme! Ah ouais, pas mal. Et le rire est très très bon. Ouais. Mano, tu l'as? Tu sais comment ça va se passer? Tu vas foutre le bordel, il y en aura partout, ça sera dégueulasse. Ah Il manque le petit cheveu sur la langue, mais ça passe. Franchement, ça passe crème. Allez, une troisième. Ouais, celui-là, il est court, mais. It's me! Wouhou! Mario! Mario time! Alors, on serait vraiment teubé si on trouvait pas là quand même. Je me rappelais plus qu'il avait cette voix, Mario. Moi. Ah, si, il a une voix. Il a une voix aiguë quand même, hein, Mario. Hein. Il est un peu efféminé, ce Mario. Hein. Ah, ça, c'est le vrai. Ouais, ça, c'est quand tu multiplies les sauts sur Nintendo 64. Voilà, si vous êtes vieux comme moi. Si, franchement, je trouve qu'il est bon. Ouais, c'est pas mal. Alex, t'en as un autre ou pas? Ouais. Vas-y. Après, je peux faire la poule ou je peux faire. Ah, bah ok, vas-y. Ah, bah. Fais-nous la poule. Ok. Après, il y a la poule qui se prend un coup de pompe au cul. Ah, ça ressemble. Ouais. Ça, c'est notre poule. Celle du Night Show. Franchement, il y a un délire. Une autre, une dernière. Je regarde la télé. Qui veut une gaufre? Une gaufre. Oh là, la voix était chelou. Je dirais François Hollande. Meuf nulle, tu sais. Ah, ouais, pas mal. Homer Simpson, c'est vachement bien, Alex. Hein. Franchement, t'as du talent. Hein. Ça te sert à quelque chose, ces imitations dans la vie ? Bah, pour l'instant, pas du tout, mais j'aimerais bien que ça me serve à quelque chose. J'aimerais bien faire du doublage ou des. Ah, des choses comme ça. Pas mal. Et ben, tu sais quoi, avant de donner notre verdict, là, voir si t'as réussi à convaincre toute l'équipe, j'aimerais qu'on fasse des petits tests d'imitation. Oh non, c'est horrible. Si vous allez me faire votre meilleure imitation, Enzo, vas-y, viens, on commence par toi. Mais moi, je sais pas en faire d'imitation. Hein. Bah, t'essayes un truc. Bah, quoi ? Bah, je sais pas. Tu te débrouilles, eh, ça va, hein, on fait de la radio, on peut quand même. Vas-y, Enzo Bichon. Ok. Et réfléchis. Une personne connue ? Ouais, bah ouais, c'est mieux. Hein. Sinon, je sais très bien faire des animaux, sinon. Ah, vas-y alors. La poule, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Mano, t'entends d'os. Alors, salut les loups, c'est Nikos, bienvenue dans The Voice. Ah bah oui, ouais. Il le tient celui-là. Un petit peu, ouais. Bon, moi je peux tenter Homer. Vas-y. Mais voilà, mais si c'est sûr, tu fais tout le temps la même, faut que tu nous testes autre chose. Voilà. Salut, c'est Johnny. Tu vois, enfin, il y a un délire, non? Ah oui, je te le un petit peu. C'est magnifique. Ah, c'est génial. Bon, Anso, tu veux tenter ou pas? Mais moi, je suis nulle en imitation. Je te jure. En fait, c'est pas ça, c'est que je ne sais même pas quoi je pourrais imiter là. Un animal. Ouais, un animal, mais quoi? Le cochon. Le tigre. Ah, le cochon. Le cochon. C'est parce que ça n'a pas du tout été ridicule. C'est bien parce que préparez-vous la France, je vais vous mettre mal à l'aise. Voilà. C'est pas mal. C'est ouais. Bien tenté. Bon. Bon, Alex, tu vois, on n'a pas le niveau, nous. Hein. À part Mario et Johnny. Bon, mon pote, tu sais comment ça se passe, il te faut tous les oui de l'équipe pour venir tout frais payer dans l'émission. Alors, je te cache pas que Amir est parti chercher sa bouffe, hein, donc on va faire sans lui parce que le mec tranquille, détente, ouais, à 22h20, lui, il va chercher sa bouffe. Ouais, bah, c'est ça, en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc, on fait sans lui, on balance quand même son petit nom et puis on improvise. Ouais, c'est ça, okay. Allez, on vote pour lui. On vote pour lui, allez. Enzo. Oui. Manuel. Non. Oh. Amir. Anso. Bah oui. Marion. Ah bah moi j'ai bien aimé, c'est un oui. Bon bah on va se retourner vers Mano, hein, le rabat-joie de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Non mais moi je serais plus sur un talent de rattrapage. Mais pourquoi? Enfin... Attends, il en a raté aucune? Non, je suis d'accord, mais après c'était peut-être dans les personnages choisis. Enfin, en fait j'ai l'impression qu'il réussissait à faire quelques phrases, mais que c'était compliqué de les tenir sur la longueur. Mais tu veux dire un talent de rattrapage genre sur le mois de juillet, mois d'août? Quand on sera pas là. Dur, on a eu tellement pire. Bah ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était des petites phrases courtes, mais qu'après sur la longueur on tenait plus. Quoi. D'accord, donc Alex, la prochaine fois prépare-nous un one man. Et puis tu repasses sur. Après je peux te faire un petit Mamadou Sekpa si tu veux pour te convaincre. Ça tu connais pas Mamadou Sekpa? Non, c'est quoi? Bah, ça fait wesh, bonne fils bombé, c'est Mamadou Sekpa, viens, de ma classe Sekpa, on va rigoler. Wesh, madame, ta gueule, Mamadou. Ok, t'as mis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais bon, il a voté, Mano, c'est un nom, puis de toute façon, il y connaît rien, lui, donc. Désolé, mon pote, mais effectivement, je propose que si il y a une saison 2 de Marion et Anso, on commence l'année avec toi, c'est-à-dire que bim, talent imitation, on te rappelle nous fin août et on se refait ça parce que t'as vraiment du talent pour le coup. Avec plaisir. Cool. Eh ben vas-y, on s'organise ça. On t'embrasse Alex et on t'envoie bien sûr tout ce qui est adresse de Mano pour que tu ailles tabasser la personne. Je t'aime. Pas de problème. On t'embrasse Alex, bisous. Bon, ciao. Et puis évidemment, s'il n'y a pas de saison 2, bah tu l'as dans le cul. C'est un autre Alex qu'on va voir dans un instant sur Fun Radio. Il habite Strasbourg, lui, et il pense avoir complètement foiré son bac. Jusque-là, rien d'alarmant. On est souvent dans ce cas-là. Ça arrive à tout le monde. On a toujours un mauvais pressentiment à l'approche des résultats. Ouais. Sauf que lui, il a préparé des vacances avec ses potes. Du coup, là, pour les semaines qui arrivent. Donc, est-ce qu'il doit venir ou pas en vacances ou attendre les rattrapages? Enfin, bref, c'est tout un schlimblick. Un schlimblick, il arrivera jamais. 0142 48 5000, on parle du bac juste après Ken Jones sur Fun Radio. Hola. Hola, na. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. Salut, c'est Johnny. C'est pour toi, ça, Anso. Ah, c'était magnifique. Ah, franchement, il était pas si dégueulasse. Non, ça va. Salut, c'est Johnny. Merci. Bon, c'est Marion et Anso, vous êtes dans le Night Show, il est 22h41. Petit point foot, Anso, Croatie, Espagne, ça donne quoi? Ça donne 1-1. Et il y avait Turquie, République tchèque aussi. Ouais, il y a 2-0 pour la Turquie. Eh ben dis donc, ça intéresse qui ces matchs? Qui est pour l'Espagne là? Bah, Enzo, je crois. Pour l'Espagne. Bah, si, attends, l'Espagne, nous on parle couramment l'espagnol, ouais. On l'a prouvé plus. Moi je suis pour l'Espagne aussi. Moi aussi je suis pour l'Espagne, j'aimerais bien voir un France-Espagne à un moment donné. La camisa negra. Moi, la camisa negra de la camisa negra. Et juste Enzo, l'Italie, ils en sont où pour l'instant? Eh bah, l'Italie, ils sont qualifiés pour la 8e de finale, premier de leur coupe. Comme nous quoi. Non, groupe, pas coupe. Ouais, je me suis trompé, mais du coup, premier de la coupe qui va. Mais tu sais que quand ils ont joué vendredi, on s'envoyait des textos avec Enzo, ouais. Mais il était comme un fou quoi. Il était vert. Bah, mais c'est il normal. Il était comme un fou. Il enchaînait les textos, il était comme un ouf quoi. Ouais. Ah, t'imagines, c'est son équipe de cœur quoi. Ouais, c'est magnifique. Bon, on est au téléphone avec Alex de Strasbourg. Bonsoir Alex. Salut l'équipe. Ça va Alex? Alex, salut. Ça va et vous? Bah ouais, très bien, mais alors toi, t'es en plein examen? Ouais, en plein milieu là, je suis en ES. D'accord. Et alors, un peu tendu. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce que l'équipe a pris en fou rire. Arrêtez l'équipe, je vous explique ce qui se passe. On a un groupe commun et on s'envoie des photos un peu dégueulasses. Et là, je l'ai pas encore ouvert, mais toute l'équipe l'a ouvert. Donc pour le bien de cette émission, je vais pas l'ouvrir maintenant, histoire qu'on préserve un peu de bon sens. Mais vous m'angoissez. Bah mais on peut la mettre sur Facebook. Non, on peut pas la mettre sur Facebook. On verra. On la mettra peut-être. Bon, ok, mais je la regarde pas tout de suite. Non. Dis-nous Alex, donc ça se passe pas hyper bien pour l'instant. T'as l'impression d'avoir raté? Ouais, c'est ça en fait. Il y a quelques examens là. Il y en a qu'un que j'ai réussi, puis le reste, je suis quasiment sûr de m'être foiré, donc c'est un peu tendu en fait. D'accord. Et j'ai un autre problème, c'est que justement, en fait, je suis censé partir avec mes potes au Portugal le 3 juillet. Ouais. Et les réponses du. Enfin, les résultats du bac, en fait, c'est le 5. Donc, ouais. Problème, c'est que si je me suis foiré, je sais pas. pas comment je vais faire pour aller au rattrapage. Ouais, non mais alors là et c'est... Et attends, parce que moi qui n'ai pas passé le bac, comment ça se passe? C'est-à-dire que t'as les résultats du bac et tu passes les rattrapages direct dans la foulée, genre le lendemain? Non, pas le lendemain. Non, t'as des... En fait, t'as, je crois que t'as encore une semaine pour réviser les matières que tu veux repasser, en fait. Ouais, ah, c'est en puis, juillet. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ouais. En fait, tu retournes et puis tu les repasses, quoi. Donc là, je crois que cette année, les résultats, c'est le 5 juillet. Donc, a priori, les rattrapages, ce sera aux alentours du 10-11, je pense. Hein. Et un truc comme ça. Et tu seras pas rentré? Tu pars combien de temps avec tes potes, Alex? Je pars 3 semaines. Non, mais puis même, attends, si tu fais les rattrapages, faut bosser. Enfin, tu vas pas en vacances, quoi. Mais non, mais ouais. Alex, avant de réserver tes vacances, tu t'es pas douté qu'il y avait. T'allais possiblement passer au rattrapage? Bah écoute, j'ai 14 de moyenne, donc je me suis dit que ça allait passer tout seul, mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est tombé que sur les sujets que je connaissais pas. Mais mec. C'est compliqué parce qu'on peut pas te conseiller de partir en vacances. C'est le bac, c'est quand même hyper important. Tu vois, des vacances, t'en auras toute ta vie. T'auras d'autres occasions. Mais là, le bac, ce serait chiant que tu redoubles, que tu rates les rattrapages. Enfin, c'est une galère, quoi. Ouais, puis tes parents, tout ça, quoi. Le problème, c'est qu'on a déjà payé, tu vois. On a déjà préparé, on a déjà réservé l'appart et tout. Donc, c'est galère. Hein. Et alors, s'il y va, mais que tu fais un aller-retour pour les rattrapages, si jamais. Bah, ça coûte cher le rattrapage, non? Mais bon, Portugal-Strasbourg, je pense qu'il y a quand même... Effectivement, c'est pas côté. Alex. Bon, Alex, tu sais quoi, on va t'éter dans un instant. On va concentrer tous nos petits cerveaux. On va peut-être se marrer pour rien. Et puis on va t'aider là. 0-1-42... On va t'aider rapport à la photo, je pense. Hein. 0-1-42-48-5000. Appelez-nous si vous êtes dans la même situation qu'Alex. Ouais. Venez même nous raconter comment ça s'est passé pour vous, les épreuves, votre ressenti, tout ça. Aidons Alex, tous ensemble, de manière collégiale et de tous les Français. C'est Marion Guillaume, Soul Night Show. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Mathieu Canabi et maman. Voilà. Merci. C'est la première fois que je reçois un artiste avec sa mère. Ouais. Bon, alors Mathieu, t'as quel âge? Alors j'ai 18 ans. Avec la thune qu'il va gagner avec son single, t'as pas peur qu'il s'en aille, Alexandra? Mais il faut qu'il... Vas-y, pars! Casse-toi, vas-y! She's with California, hotter than it was in LA, housing by the water, say the yacht across the bay. Merci, merci! Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Salut. Salut, c'est Pierre Cross. On se connaît? Je fais des vidéos marrantes sur Internet. Ah oui? Oui, et j'ai une exclue. Bouygues Télécom fait gagner tous les jours des cartes SIM sur goldensim.fr. C'est une blague? Non, avec 4G illimité pendant 2 ans. Très drôle. Non, mais je te jure que c'est vrai. On aime tous la technologie. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom vous offre une chance de gagner 2 ans d'appel, SMS, MMS et 4G illimité sur goldensim.fr. Du 6 au 21 juin, voir conditions sur le site. Golden SIM égale SIM en or. Fun Radio présente Fun Party Fun Live. Le 23 juin à Marseille. Faites du bruit Marseille! À l'occasion de la Soch Freestyle Cup, Fun Radio investit la plage Borély le jeudi 23 juin avec sur scène Bob Sinclair et Big Ali, Jonas Blue, Lumberjack, Tini Tampa, Damien Hendrix et Benny Benassi. Attention, événement à vivre en direct sur Fun Radio à 19h30. Marseille, on est en direct sur Fun Radio. Party Fun Live. Plage Borély à Marseille. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Thank you. Salut, c'est Johnny. Tous les soirs. Are you ready? 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Et dites-nous là sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Night Show sur Facebook, comment ça se passe les examens? Je sais que vous pouvez pas forcément passer à la radio, vous êtes en pleine révision, mais vous avez bien le temps pour un petit tweet. Bah oui, alors ça on a toujours le temps. Comme ça, nous on vous lit, on cite votre blase, on vous souhaite du courage, tout ça, et puis ça se passe mieux. Bah alors voilà, on parlait des examens justement avec Alex de Strasbourg. Bon, je vous réexplique la situation d'Alex. Il a une super bonne moyenne tout au long de l'année, mais là il a complètement foiré les épreuves du bac. Sauf qu'il a déjà réservé ses billets d'avion pour partir 3 semaines avec ses potes à Lisbonne. Oui. Il part le 3 juillet, mais il a peur de passer au rattrapage et donc du coup de les rater et donc du coup de rater son bac. Bon, Alex. Oui. On s'est tous concertés dans l'équipe. Ouais, dis-moi. Tu ne peux pas partir, Bichon. Ton mais avenir, c'est trop important. Mais je te jure, mais tu te rends pas compte. Et au pire, du pire, si t'as ton bac, eh ben tu les rejoins, il n'y a pas de souci. Non, mais surtout, mec, tu pars 3 semaines, le rattrapage, c'est les 7 et 8 juillet. C'est donc pas possible. T'as complètement le temps de kiffer. Ouais, je sais pas. Mais attends, si. Tes potes, ils vont être avec toi toute ta vie. Tu vas pouvoir kiffer avec eux, partir parcourir le monde. Ouais. Mais ton bac, c'est maintenant que ça se joue, hein, Bichon. Ouais, mais bon, tu sais comment ça se passe, les potes. Une fois que t'es plus dans la même classe, c'est fini. Il y a plus de potes. C'est. Non, ça mais. Fait on te dit pas de pas y aller. On te dit juste, tu changes rien sur Teresa, juste le billet d'aller. C'est-à-dire que pour l'instant, t'y vas pas, tant que t'as pas les résultats. Et si jamais tu te rends compte que t'as le bac, bon, bah bingo, le 5 juillet, tu pars, tu prends un billet. Et sinon, tu pars après le rattrapage. Ouais, le 8 juillet, tu pars 3 semaines, mec. Tu pars pas 4 jours, quoi. Après, je sais que c'est de la thune, hein, un peu gâchée, parce que forcément, tu perds ton billet aller, quoi. Mais ça, c'est ta connerie, hein. Bah écoute, après oui. Voilà, je pensais pas que je me foirais autant, quoi. Bah ouais, oui, mais écoute Alex, tu nous appelles pour avoir des conseils, bon bah nous on t'en donne, maintenant tu en fais ce que tu veux. Ouais, je sais, parce que... Bah je sais pas, bah, je pense que je vais vous écouter. Hein. Écoute tata Marion et tata Anso. Ouais. Hein. Et surtout, si tu demandes conseil à tes parents, je pense que leur avis va être vite vu. Hein. Ouais, je pense que tu partiras même pas du tout. Ouais. Ok Alex. Bah écoute, bah merci. Allez, ne pars pas. Et surtout, révise. Tu nous tiens au courant, un message sur Facebook, un mail et tout pour nous dire si t'as eu le bac ou pas. Ouais, y'a pas de soucis, t'inquiète. Allez, voilà. Alex, on t'embrasse. Je sens qu'il va se barrer à Lisbonne. Si, si, si. Je sens gros comme une maison, ça. Ouais, c'est ça. Et que ça gagne sur le sable. Tu nous rejoindras. Bah, si t'as le bac, je vous rejoins. Allez, hop. Ça va le motiver. Quel mythomane, celle-là. C'est pas du mytho. Non, c'est pas du mytho. Allez, je le sens gros comme une maison, ouais. Ouais, c'est ça. On t'embrasse, Alex. Allez, bisous, bonne soirée. Bisous. Bisous. L'équipe, comme on parle du bac en ce moment, ouais. Et que là, on parle évidemment de l'obtention du diplôme ou pas, j'aimerais savoir à quel membre de l'équipe entière vous remettriez les diplômes suivants. Vous okay. Me dites, ok ouais. Ok. Le diplôme de la personne qui casse les couilles comme une chanson de la Reine des Neiges, pour qui? Mano. Non. Ouais, bah, ça dépend. Enzo ouais. Aussi. Moi, ouais. J'aurais dit Amir. Bon, écoute, il y en a vraiment pour tout le monde. Juste parce que c'est lui qui a cité les noms et que c'était pas sympa. Ok, d'accord. Le diplôme de la personne qui confond le travail avec les vacances. Enzo. Ouais, on est d'accord Enzo, ou pas ouais. On valide ouais, tous. Confond le travail avec les vacances. Bah oui. C'est-à-dire qu'il est plus en vacances qu'en travail, c'est ça. Voilà. Ouais, bravo. Okay. Enzo. On est tous d'accord. Le diplôme de la personne qui, à défaut d'être BG, est drôle. C'est horrible. Bah il y a personne. Ouais, c'est horrible. C'est-à-dire que ce serait quelqu'un de pas très beau, mais drôle. Bah ouais, moi je suis pas. Moi perso je me trouve pas spécialement beau. Bah moi non plus mais je me trouve plutôt rigolote et sympa quoi. Ouais, moi aussi je me trouve drôle quoi. Allez viens on prend les diplômes allez, dégueulasses. Allez, tape dans allez, la main. Bah moi je vous trouve plus BG que drôle. Mais c'est, c'est plutôt sympa. Il y avait un compliment là-dedans. Le diplôme de la personne qui gueule tellement fort qu'il a inspiré le générique du Roi Lion. Ah ça je sais. C'est Anso quand elle gueule. Ah oui. Bah si Bichette, quand tu gueules, tu fais peur. Oui, mais je fais peur, mais je gueule pas fort. Bah si, tout à l'heure, t'as engueulé Enzo, moi je me suis cachée sous le bureau. Je te jure, j'étais pas bien. Hein Enzo, dis la vérité. Ouais, moi j'ai pas peur, moi. Elle fait peur, il a fait une vanne, ça lui a pas plu. Elle s'est emballée. On dirait ma mère. Ça a tremblé, les bureaux ont tremblé. Le diplôme de la personne à qui tu aimerais faire une Nabila Thomas tellement elle est relou. Mano. Mano. Oh bah, c'est violent ouais. Quand même. Ouais, c'est un ça peu marche. Violent. Ouais, mais le pas diplôme de la personne aussi inintéressante qu'un panier de pommes. Bon bah Mano oui. Je crois qu'il y a que Mano ouais. Alors, le diplôme de la personne qui a des pratiques sexuelles dignes des plus grands épisodes de confession intime. Anso. Anso. Ouais, bah, Anso. Ah si Anso. C'est pas confession intime. Ah mais ouais. toi. Arrête Anso. T'es une pâte à modder du sexe toi. T'as fait des trucs de ouf. Attends, elle nous a dit quoi l'autre jour? Elle s'est fait cracher dans la bouche. Ouais, c'est bon. C'est confession intime. Il est trop tôt là. Faut pas dire ça. Le diplôme de la personne qui vendrait sa mère si ça pouvait lui rapporter 2 euros. Ah bah Mano. Oh non, ouais. Marion, ouais, Marion, ouais, Marion, Marion, Marion, ouais, Marion, ouais. Marion. Gratos, elle l'avance, sa mère. Ouais. Non, non, 2 euros au moins, minimum. Le diplôme de la personne qui se prend plus de râteaux que de wad. Ah. Bah c'est Anso aussi. Hein. Bah, ouais. Parce qu'Anso, ça va pas avec ce qu'on a dit avant. En fait, elle fait pas souvent l'amour, mais quand elle le fait, c'est un truc de ouf. C'est ça le truc, c'est vrai ou pas, Anso? Du coup, là, tu dois chauffer plein de mecs, hein. T'imagines même pas. Mais j'en peux plus, je suis à bout, ça fait trop longtemps là. Le diplôme de la personne qui donne l'impression qu'elle porte H24 des Ray-Ban tellement ses sourcils sont fumés et épais. Bah, je sais pas. Bah, c'est à dire. Pas le choix, ouais. Bichon. Il t'en fallait un. Oh, joli bah, sourcil. Ouais, ça va, c'est bon. Si vous nous rejoignez dans l'émission, Amir, c'est sourcilman, il a des énormes sourcils et voilà, on le taille comme ça. C'est devenu les mascottes en fait de cette émission. Donc en fait, si je résume, vous me dites si je me trompe. Anso, c'est la vie sexuelle débridée. Ouais. Amir, c'est les sourcils. Ouais. Mano, c'est le chiant. Et Enzo, c'est les vacances qui se lavent pas les cheveux. Voilà, ouais. Et moi, c'est la radine. Et toi, c'est la radine. Ouais, la radine. Ouais, mais je Marion, pas que ça. Radine, non, non, je suis pas une radine. Alors ça, c'est complètement faux parce que je suis hyper généreuse. C'est juste que j'ai jamais de monnaie sur moi, donc je taxe. Ouais, c'est ça. C'est vrai ou pas? Excuse-nous, ouais. Maria Carré, qui a une carte bleue de dingue. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que je comprends pas comment vous faites pour avoir toujours des sous sur vous. Ouais, mais ça m'épate. Moi, j'ai jamais. Enfin, si, j'ai de la monnaie, mais tu me voles tout à chaque fois. Moi aussi. Et vous avez pas remarqué que ça fait 3 semaines que j'ai plus aucune monnaie? Et puis, t'avais plus personne ramène de la monnaie. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes des tarbats. Bon, on vous a demandé en tout cas vos impressions sur vos examens que vous passez en ce moment. Et il y a Yanis de Saint-Denis qui nous a appelé. Bonsoir, Yanis. Salut l'équipe. Coucou. Ça va, Yanis? Salut Marion, ça va, t'as bien? Ouais, très bien. Ça se passe comment les examens pour toi? Bah écoute, franchement, comme tu peux voir, je suis un petit peu excité parce que j'ai passé la philo. Bah, c'était longtemps, et... ouais, c'était le 15. Ouais. Ouais, le 15. Et franchement, bon délire. Je suis ressorti, pour moi, j'avais mon bac. Ah ouais, tu l'as bien senti? Ouais, mais après, tu sais, c'est un petit peu. Je t'explique. En fait, on a eu 2 bacs blancs. La première fois, j'y étais, j'ai révisé tout ça, je me suis mangé un 7. Pour moi, je l'avais réussi, je me suis mangé un 7. Ah ouais. Deuxième fois, j'ai dit, j'étais pas chaud, j'y étais sans réviser, j'ai eu un 15. D'accord. C'est-à-dire la troisième fois. J'y étais, je me suis dit, allez, je vais y aller au talent. Je suis sorti et franchement, pour moi, j'ai tout réussi, quoi. Ouais, mais attention, parce que parfois, on a l'impression que c'est gagné et en fait, c'est pas si ouf que ça. Ouais. Oh non. Non, mais je te le souhaite, hein. Et t'es en quel, en quoi, bac quoi, Yanis? Moi, je suis en terminale ELF. Ah ouais, donc gros coefficient alors, la philo. Ouais, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça, en fait, si j'ai réussi, ben, vu que les autres, ça s'est pas trop mal passé, ben, je pense que ça serait bon. Mais si j'ai foiré, bon, ça nique un petit peu tout. Il faut absolument que tu nous tiennes au courant. En tout cas, ben, on y croit avec toi. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas offrir un truc à tous ceux qui passent le bac? Bah, et tous ceux qui l'ont, ma meuf. Non, mais et genre, ceux qui l'ont pas aussi. Je sais pas, un stylo Fun Radio, je sais pas. Waouh, cadeau de ouf, les gars. Allez, et les gars, tous ceux qui nous écoutent là, si vous avez le bac, je vous offre à tous un autocollant Fun Radio. Putain. Eh ouais. C'est stylé. Eh, non, par contre, il y a un bon plan pour se faire de l'argent, c'est si tu chopes des mentions, t'as des banques qui t'offrent des thunes. Ouais. Quand ouais, mais ça, c'est à partir de quelle mention? Ça démarre bien, à. Bien, non, bien non, et très bien. Non, assez bien et très bien. Ça fait genre. Bien, gars. 50, 80 et 150. Ah, c'est sympa ça. Après, ça dépend des banques. Hein, mais... Bonne initiative. Ah ouais, c'est cool. Peu importe les banques. Voilà. Peu importe les banques. Mais après, ils ont tous des conditions différentes. Ouais. Mais... Et c'est plus motivant que les autocollants d'Anso, en tout cas. Ouais. Yanis, on t'embrasse et bon courage. On croit en toi. Tu es notre soleil. Carrément. Bisous, Yanis. Bisous. Ok, bisous, l'équipe. Bisous, ciao. Il y a de la meuf aussi au standard. C'est cool de vous avoir. Clara de Bordeaux. Bonsoir, Clara. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Salut, ça va Clara? Salut. Ça va. Alors, ça s'est passé comment pour toi? Catastrophique. Oh merde. Ouais. Quelle matière? Bah, en fait, moi je suis en bac pro service. Ouais. Donc en terminale. Et puis, bah, le soir où j'avais un service pour noter mon bac, etc., compter pour le bac, j'ai trouvé le meilleur moyen que d'arriver avec mon plateau avec mes 2 cocktails dessus. Ouais. Et puis bah, le plateau a basculé, le cocktail aussi, et tombé sur la cuisine. Ah, mais ça se passe comme ça. Dans l'hôtellerie, t'as vraiment des épreuves pratiques. Bah oui, parce que, si je me trompe pas, est-ce que tu bosses aussi dans un resto de genre de l'école? Oui. Ah, c'est ça. Et puis les gens peuvent venir manger chez vous, mais c'est un peu moins cher. C'est ça. Ah, oui. Mais alors ça doit être une pression supplémentaire de ouf, parce que là. Ah là là, et donc tout s'est éclaté par terre. Bah en fait, le premier, il est tombé sur la cliente. Oula. Et le deuxième, il est tombé sur le plateau. Mais dans tous les cas, c'est éliminatoire. Ah merde, donc là tu sais que c'est mort. Bah j'avais tout passé, il me restait plus que l'anglais et l'espagnol, mais de toute façon. Ah mais tu veux dire, ils font aucun cadeau, c'est foutu. Et c'est éliminatoire. Ah bah oui, quand j'ai fait ma synthèse à la fin du service, avec le jury et ma prof de service, elle m'a clairement fait comprendre que c'était mort, quoi. Mais c'est normal, t'imagines. C'est la base. Tenir un plateau, quand même, là, c'est normal. Avec le stress, du coup, bah, je suis tombée, et puis, bah. Et du coup, comment ça se passe, Clara? T'es obligée de refaire une année, genre, grosse formation intensive de plateau? Ah, y a pas de rattrapage? Bah, c'est éliminatoire, donc dans tous les cas, même si je fais le rattrapage, ça va. Oh, petit chat. Oh, c'est triste. Bah, ouais. Bon, Clara, en même temps, t'as 17 ans, c'est pas grave de redoubler. Hein. Non. Tu vois, moi, j'ai bien redoublé ma sixième, et franchement, faut vraiment être quand même couillon de redoubler sa sixième. Ouais, c'est clair. Et franchement. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, puis tu vois, Anso, elle a pas eu le bac, et elle s'en sort très bien quand même. Ouais. Oui, mais bon. Tu vois, je roule ma bosse, quoi. Non, mais c'est pas grave, chérie. Je sais que c'est hyper décevant, t'as l'impression d'avoir raté ton année et tout. Mais bah, c'est ça, j'ai fait une année pour rien, en fait. Non, c'est pas grave. T'as appris des trucs, t'auras de l'avance sur les autres l'an prochain. Et une année dans une vie, vraiment, on le dit souvent, c'est rien du tout. Donc reste motivée, passe un bon été. Et voilà, kiffe avec tes copines et ça ira l'année prochaine. Et en plus, si ça se trouve, tu sais même pas, mais dans ta prochaine promo, tu rencontreras le mec de ta vie. Ah! Et peut-être qu'on sait jamais, hein. Peut-être! Là, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. On est d'accord. Clara, on t'embrasse, ma chérie. Pas de soucis, bonne soirée. Bisous. Bisous. Il y a Amandine aussi à Rouen qui est avec nous. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, Mario Anto. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va, Amandine? Oui. Alors, ça s'est passé comment pour toi, le bac? Qu'est-ce qu'elle raconte? On dirait. C'est bien pris. Et je pense que j'ai foiré l'histoire géo. L'histoire géo? Ben, ouais. Mais t'es en quelle section? T'es en quoi? Je suis en bac GPPE. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est gestion des pollutions et protection de l'environnement. Oh okay. Putain, c'est précis ça. Mais du coup, c'est une filière professionnelle ou technologique? Bah pro. Pro. Il y a les deux. Ok, et bah, alors, ça veut dire que l'histoire géo, c'est un coef qui est pas fou, non? Non, en fait, moi, je suis une vraie brêle en histoire géo et en éducation civique. Et on a passé le blanc, j'ai eu 8 sur 20. Ouais. Et j'ai eu les mêmes résultats quand j'ai passé le brevet. À chaque fois, il manquait 2 points pour avoir la moyenne. Aïe. Mais attends, et donc là, j'aurais les résultats le 4. Ouais. Et je pense que j'ai totalement foiré parce que j'avais des questions, c'était genre sur l'école. Et il y avait une question, c'était un truc qu'il fallait répondre le centenaire de l'école. Et moi, comme j'ai pas compris du tout la question, j'ai répondu complètement autre chose. Mais en plus, l'histoire géo, c'est une matière, tu sais quand t'as raté, parce que tu vois, là, c'est du par cœur. C'est pas comme la philo où c'est vachement subjectif. Mais du coup, t'as répondu quoi, Amandine? Je sais plus ce que j'avais répondu, je crois que c'était j'avais répondu liberté ou un truc comme ça, égalité, gratuité. Ouais, ça enfin, complètement hors sujet. Bon, Bichette, c'est pas mort, c'est qu'une matière, on sait jamais. D'accord. Mais juste, avec ta filière, tu veux faire quoi plus tard? Je veux être dans l'assainissement. D'accord. Ah putain, c'est cool, je savais dans même pas moi qu'il y avait... Dans l'assainissement. Ah ok, j'ai pas entendu. Qu'il y avait un bac pro pour ça, c'est top. Ouais. Bah, en tout cas, tu sais ce que tu veux faire et tout, c'est bien. Bah c'est un nouveau bac qui a ouvert, ça fait que 3 ans qu'il est... Ouais, en Normandie, ça fait que 3 ans, et c'est le seul lycée où je suis qui fait en Normandie. D'accord. Ouais, mais tu vas avoir du taf du coup, c'est cool. Ouais. Bon, écoute, tu nous tiens au courant si ça l'a fait ou pas, et puis bah bon courage pour tous tes projets pro. Hein. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Je fais une dédicace à mon père qui est malheureusement plus là. Oh. Ok. Big up. Allez. Et une dédicace à ma copine Admin et. C'est moi. Et Tom et toute la classe de GPPE. Et d'accord, on vous embrasse tous les copains. Bon courage. Bisous. Merci, bisous. Bisous. Marion, toi, tu pensais avoir complètement foiré ton bac? Non, honnêtement, moi, je vais pas faire la mytho. Je savais que j'avais plutôt réussi. Ça s'était hyper bien passé à part les maths. Et donc, voilà, j'ai eu avec mention bien. Combien en maths? Ah ouais. Je sais plus, je crois que j'avais eu 12 ou 13 en maths. Hey. Et alors, justement, est-ce que t'as eu un chèque de la banque ou un truc comme ça? Bah non, ça se faisait pas à mon époque, moi, ça. Mais ça me semblait bien qu'Amir, c'était un gros mytho. Mais non, mais en fait, il faut s'inscrire. Mais oui, en fait, tu dois ouvrir un compte en banque, tu ramènes ton bulletin. Je l'ai eu, moi. Oui, non, mais attends. J'ai eu 80 euros à l'époque. Moi, c'était il y a 10 ans, peut-être que ça se faisait pas. Oh, la richesse! 10 piges, j'ai les banques, ouais. Bah, mec, toi, ça va, c'était il y a 7-8 ans. Eh, mais Marion, faut que t'arrêtes de croire qu'on a 6 mois d'écart. Bah, c'était il y a combien de temps ton bac? T'as quel âge là? Bah, j'ai 28. Ah voilà. Non, t'as 29 dans. Quelques jours, c'est mon anniversaire. Quelques jours, c'est l'anniversaire. 20, dans 2 jours. Alors, justement, on en parle. Vous avez prévu quoi? Rien. Alors, 0142 48 5000. C'est le numéro qu'il faut faire pour faire de la radio avec nous là toute la soirée. Le numéro est totalement gratuit en plus. Il y aura le Pourquoi tu m'appelles qui arrive dans un instant. On a d'ailleurs prévu un gros Pourquoi tu m'appelles d'anniversaire pour Marion. Vous êtes des méchants. Le son, bah lui, c'est notre Burr. Kungs, This Girl sur Fun Radio. Viens, Ibiza, ça va. Ouais. Super. Je veux un cadeau. Deux cadeaux. Trois. We'll be right back. C'est tous les soirs là sur Fun Radio, de 22h à minuit sur Fun Radio. Je m'appelle Anso, je suis une petite blonde à franges qui mange pas de pain. Et Marion est à côté de moi, elle a une frange aussi. Elle est brune et elle, par contre, qu'est-ce qu'elle bouffe comme pain? Mais alors attends, juste, je sais que je suis relou avec les expressions en ce moment, mais enfin, mangez pas de pain. Pourquoi? Non, ça mange pas de pain. Bah oui, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Enfin, ah, c'est pas con ça. Ça n'a aucun rapport. Bon, appelez-nous 01 42 48 5000 là pour nous expliquer cette expression. Eh ça oui. Ne mange pas de pain. Ce sera sympa. Et si vous vous ennuyez de nous quand on n'est pas là, bah, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Est-ce que ce serait pas le moment où j'ai dit un truc le plus décousu de toute ma vie? Non. Tout à fait. Ah, c'est ça. Merci, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et au Pourquoi tu m'appelles, on vous offre 4 places pour le parc Astérix. Anso, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain. Ah oui, attends, tu sais que ça m'énerve, je suis en train de chercher. Hein. Bah moi aussi ça m'énerve parce que je comprends pas le lien, ça mange pas de pain. Alors attends, je l'ai, ça mange pas de pain, origine, expression apparaissant au XV2, 17e siècle. Elle sait pas lire les chiffres. Ici romans. Le pain est mis en relief car il représente la base alimentaire. Bon, ça veut dire qu'il y avait des pénuries de pain ou je sais pas quoi. Tu sais, au 17e, ils se prenaient quand même la tête pour pas grand-chose. D'accord, je suis à deux doigts de t'envoyer une alerte chiante, tu sais. Bon, 4 places pour le parc Astérix, ça c'est le cadeau du Pourquoi tu m'appelles. Et je vous rappelle que le record est toujours de 3,40. Il est détenu par moi-même, donc j'aimerais bien qu'on me batte quand même. Un petit peu de défi, ça ferait du bien. Voilà, alors c'est Loïc qui joue avec nous de Melun ce soir. Bonsoir Loïc. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Loïc? Ça va et vous? Ouais. Est-ce que tu en sais plus Loïc sur cette expression, ça ne mange pas de pain? Ça mange pas de pain, je connais très bien, je connais très bien. Voilà, ça veut dire que cela ne coûte rien, ça n'implique aucun frais. Voilà. Ah oui, ça je sais. Voilà. Bah oui, bah c'est ce que ça veut dire au XVIIe siècle. Hein, qualifie donc une action qui ne coûte rien, qui n'est pas désagréable et n'affecte personne. Mais on n'a rien compris. Bon Loïc, tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Pépère, si c'est possible. Ah bah écoute, alors normalement c'est Anso ou moi, mais là exceptionnellement on peut se faire un petit pépère, pourquoi pas. C'est vrai qu'on l'avait dit il y a quelques jours que ce serait marrant de le faire faire par pépère. Vu que c'est pas très fort, c'est bien. Tu vas voir, je vais te casser la gueule toi. Pépère, à mon avis, il va tenir 10 secondes, c'est pas possible. La personne au téléphone, elle va halluciner. Mais justement, Loïc a bien joué quoi. Bon, Loïc, on laisse Pépère commencer ou tu veux te lancer toi? Non, allez, je lui laisse l'honneur. Ok, allez Pépère. Pas trop trash quand même, hein. Ok. Ouais, mais tu sais, quand il part comme ça, on... J'ai peur, moi, un peu. Hein. De Pépère? Ouais. Oh, c'est un gentil chat. Non. Oui, allô? Pourquoi tu m'appelles? Moi, ça, moi, je t'appelle. Toi, tu m'appelles, là. Ben non, je suis là, moi, mon téléphone, il sonne, il répond, hein. Et tu as craqué ou quoi, mon pote? C'est ben quoi, c'est, t'es en train de là? Ben déjà, c'est mon slip qui craque, c'est pas moi. Hein? Pourquoi tu m'appelles? Oh, gamin, oh. Quoi? Déjà, je suis pas gamin. Toute la journée, c'est pas une gamin. Ben non, c'est ta sœur la gamine, hein. Moi je l'ai vue. Hein. C'est ma sœur la gamine. Ouais. C'est pas sœur, ça tombe bien. Moi je l'encule ta sœur, moi. T'encules ma sœur? Ouais. Eh ben vas-y, viens l'enculer, j'en ai pas. Comment? Par contre, moi je vais enculer ta mère. Ah ben non, moi je doute que tu peux pas enculer vu que j'ai déjà fait d'abord, hein. Ça tu peux pas. Ta mère, toi? Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, ta mère elle a oublié la culotte chez moi. Ma mère elle a oublié la culotte chez toi? Ouais. Ouais, mais moi je vais venir la chercher la culotte à ma mère, on va voir. Bah oui, bah on va déjà apprendre à parler à toi. Vas-y, donne-moi ton adresse là, donne-moi ton adresse là où tu es. Ok, t'as de quoi noter ? Hein, vas-y, j'ai de quoi noter. Allez, vas-y. Va te faire foutre, connard. Bah. Ouais. Oh, sois un bonhomme dans la vie, sois un bonhomme dans la vie. Donne-moi ton adresse et ton numéro, vas-y. Ouais, ouais, dis-moi, toi là, pourquoi tu m'appelles ? Tu connais pourquoi ? Pourquoi tu m'appelles ? Oui. Moi je t'appelle. Mais ouais. Tu connais Sarah ? Ouais. Sarah Croche. D'accord. Allez. Il est con. Non, mais là, le gars s'est raccroché tout seul. Bah oui, il a fait un score de ouf, Pépère. Ouais. En même temps, ça m'aurait fait chier que Pépère batte le record. Hein. Moi aussi. Ouais. Combien de temps Mano il a fait ? 1 minute 18. Yes ! Ah, c'était pas mal. Franchement, là, c'est beaucoup de pourquoi tu m'appelles de battu me concernant en tout cas. Oui, c'est vrai. Ça va être dur. Mais non, Loïc. Allez, c'est parti. Allez, Loïc, bonne chance. Merci. Eh ouais, t'as choisi Pépère. C'était risqué, hein ? Ah, t'as voulu jouer. Mais c'est ce son d'un coup. Ouais. Qui nous a enfermés ? Un, deux. Ouais. C'est bizarre. Un, c'est bon. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour. Oui, pourquoi tu m'appelles ? Ben, je vous ai pas appelé, moi. Bah si, j'étais tranquille, posé avec des copains et j'entends et mon téléphone sonnait, bah je réponds, pourquoi tu m'appelles ? Vous êtes... Bah alors moi j'ai pas vu, mais j'ai pas fait attention. Bah ce serait ça bien de me dire pourquoi ? Pourquoi tu m'appelles ? Mais je vous ai appelé tout à l'heure pour réparer mon téléphone, pour avoir des informations, alors peut-être c'est là que j'ai repris. Mais pourquoi tu m'appelles ? Je comprends pas. Allô ? Allô, oui ? Oui, pourquoi tu m'appelles ? Mais vous êtes qui ? Votre téléphone, je peux le réparer pour 50 euros. Mais il n'est pas gâté, mon téléphone. Bah pourquoi vous me dites que vous devez faire... Pourquoi vous m'appelez pour faire réparer votre téléphone, alors ? J'avais besoin d'un code free, en fait. C'est pour ça. Mais votre téléphone, il est complètement défoncé ou c'est votre cerveau qui est défoncé, monsieur ? Ok, bon, alors on s'excuse, alors. Monsieur, j'ai un code free pour vous. C'est quoi le code alors ? Vous avez de quoi noter ? Ouais. Ouais. Bah, notez bien. Vas-y. Je. Oui. Baise. Ta mère. Ta mère.com. Voilà. Non, pourquoi tu m'appelles ? Il a cherché en même temps. Ouais. Ah mec, il fallait donner un vrai code. Là, c'était méchant. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est difficile à improviser un code free. Hein. Bah pourquoi ? Bah je sais pas. Je te donne des numéros. Bah, ouais, des numéros et des lettres en majuscules. Quand même, ça va, il y a pire. Bon, mine de rien, il a quand même tenu pas mal de temps. Je suis curieuse de savoir s'il a battu Pépère. Mano à l'arrière. 1 minute 27 qu'il a fait. Eh bah, c'est gagné, alors. Bravo ! Putain ! Attends, est c'est complètement un échec, Pépère. C'est la merde. Pépère, ouais. Tu vas pas partir au parc Astérix, hein. Bah non, mais moi je comptais envoyer ma gamine avec moi. Ouais. Bah là, je vais devoir le foutre dans le cul. D'accord, Pépère, merci. Loïc. Allô. Oui. J'invite Pépère s'il veut. Ah, bah voilà. Il a pas le droit, hein. Ça c'est interdit, hein, ouais. Tout ce qui est inviter les personnes de Fun Radio. Hein. Ça c'est pas possible, mais toi tu repars avec tes 4 places pour le parc Astérix, mon Loïc. Bah merci, c'est super gentil, je vous kiffe, continuez comme ça. Et bah on t'embrasse très fort. Je peux passer une petite dédicace ou quoi ? Bien sûr. Je passe une dédicace à mon frère qui est loin et qui me manque, et à tous mes potes du CFA de Montreux. Oh, Bird, mais tu sais quoi, moi aussi il me manque ton frère. Bisous Loïc. Bah allez, bisous à vous. Ciao, à bientôt. Marion et Anne sort au basfunradio.fr pour vous inscrire vous aussi au Pourquoi tu m'appelles. Et c'est le même mail pour participer à l'antenne si vous avez envie de parler avec nous d'un sujet comme Julie. Alors Julie, elle nous a envoyé un mail, il lui est arrivé un truc. Alors qu'est-ce que ça est ? Elle a fait sa première fois. Jusque-là tout va bien, tu te rappelles de ta première fois Anso ? Oui, bien sûr. Sauf que elle veut le dire à son père. Bah, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette histoire, mais elle ne sait pas comment lui dire. Elle a envie de lui dire, elle se sentira mieux quand elle lui aura dit. C'est le sujet du soir. Qu'est-ce que tu te dis ? C'est comme ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça s'est passé, surtout si bah elle a oui, pris son pied. Et ben, c'est à 01 42 48 5000. On va essayer de la conseiller là dans quelques minutes, juste après. Des euros sur Fun Radio. Bougez pas, c'est Marion Enzo. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, sabrosito. Vamos a bailar. 23h19, on est en direct. Marion et Enzo, dans quelques minutes, il y a le Je te demande pardon là, qui débarque. Le Je te demande pardon, en gros, si vous connaissez pas, eh ben, c'est le moment. Ah non, il n'y a pas ? Bah non, on va bitcher ce soir. Oh non, bah oui, je te demande pardon. Eh ben non, on va bitcher ce soir, ma grande. Est-ce qu'il y en aura un demain ? Mais bien sûr qu'il y en aura un demain. Bon, le Je te demande pardon, vous demandez vos excuses en direct sur l'antenne de Fun Radio, mais le moment bitchy, c'est pas mal non plus. Ah, c'est canon, ça fait du bien. On se lâche, on critique, on dit ce qu'on pense, quoi. Bah, exactement, si vous voulez déjà d'ailleurs commencer à bitcher au standard, 01 42 48 5000. Et est-ce que au moins, il y a le moment yonf ? Ah bah bien sûr qu'il y a le moment yonf. Ah, on va parler cul. Ouais. Jamais sans mon moment yonf. Impossible. Sur Anso. Évidemment. Et puis là, on avait Julie au téléphone. On a Julie au téléphone parce qu'elle a besoin de conseils. Julie de Montpellier, bonsoir. Oui, bonjour Anso, bonjour Marion, bonjour l'équipe. Bonjour Julie. Salut. Ça va Julie ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Eh ben, je sais pas comment dire à mon père comment j'ai fait ma première fois. Pourquoi ? Ouais. Alors déjà, explique-nous Bichette, toi t'as 17 ans ? Oui. D'accord, t'es avec ton chéri depuis combien de temps ? Alors moi je suis avec depuis un an mon chéri et je sais pas comment le dire à mon père. D'accord, et donc depuis un an vous aviez rien fait et vous l'avez fait là récemment ? Si, je le fais plein de fois. Ah d'accord, donc bonsoir, la première fois, voilà, elle est déjà consommée depuis longtemps. Ouais, voilà, ma chatte est consommée. Oh, merde, c'est assez bien, Julie, c'est classe. Alors, Julie, la question qu'on se pose dans l'équipe là depuis le début, là depuis que tu nous as appelé, pourquoi vouloir le dire à ton père ? Ben, parce que pour moi, il faudrait qu'il sache, parce que ça me fout mal, quoi, de pas savoir. Bah, ça le regarde pas forcément, c'est-à-dire que t'as le droit d'avoir une vie privée, c'est toi et ton copain que ça concerne, tu vois ? Ben ouais, mais j'aimerais bien qu'il sache, quoi, qu'il... Ah bon ? Non, mais alors, attends, ce que je lui dis, en fait, ce qui se passe, normalement, quand on devient adulte, les parents, à un moment donné, ils savent que tu commences à faire l'amour, mais t'es pas obligé de le dire et d'en parler ouvertement, parce que ça peut être des moments gênants. Tu vois, j'imagine que toi, Julie, t'as jamais imaginé tes parents en train de faire l'amour. Ah ben si, tout le temps, j'imagine. D'accord, d'accord, j'en ai sur une famille particulière, je pense. Alors, Julie, est-ce que tes parents parlent facilement de sexe avec toi, par exemple, est-ce qu'ils te posent des questions ? Ben, mes parents sont séparés, mais ma mère, elle y va fort. Hein. Et ton père ? Bon exemple. Non, mon père, non, mais j'en pense pas moins de ce qu'il fait dans son lit. Hein. D'accord. Ouais, mais alors, mais moi, j'ai vraiment du mal à comprendre ce besoin de lui dire, quoi. Je pense qu'il imagine très bien ce que tu fais avec ton chéri, ça fait un an que t'es avec lui, je vois pas pourquoi rentrer dans les détails, quoi. Mais j'ai besoin de confier à mon père quand même. D'accord. Et du coup, Julie, est-ce que t'en as déjà parlé à ta maman ? J'en parle à Johan, mais après ça. Mais c'est qui, Johan ? À mon pote, Johan, que je confie tout. Ah oui, non, mais ça, c'est normal. Les potos, ils sont là pour ça. Mais ta mère, elle le sait pas, ta mère ? Non, ma mère, elle sait pas, mais elle s'en doute. D'accord. Alors, bon, si tu veux vraiment lui dire et que t'as une bonne relation avec ton père, que vous êtes un peu complices, tout ça, moi, je te conseille d'y aller franc-jeu, de lui dire, écoute, papa, voilà, ça fait quelques temps que j'ai envie de te le dire, je voulais juste te rassurer, je l'ai fait, tout se passe bien, tu vois, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, c'est glauque. Ouais. Tu vois, de lui dire, écoute, je me protège, mais tu vas pas, il n'y a pas 36 manières de lui dire, tu vas pas lui envoyer un SMS, tu vas pas lui envoyer un MP Facebook, tu vas pas, c'est ton père, donc à part lui dire en tête à tête. Mais cela dit, poste-le sur sa page Facebook, comme ça, ça serait pas mal. Ah ouais, oh, c'est beurre. D'accord, c'est fameux. Non, mais Julie, pour le coup, si t'as vraiment, vraiment besoin de lui dire, voilà, moi je te le conseille pas, et ben tu lui dis de manière très cash, en le rassurant surtout. Voilà, en lui disant que t'es quelqu'un de responsable, que tu te protèges, que tu fais attention et tout ça, quoi. Ouais, mais va pas dans les détails, hein, parce que là, je te sens partie, toi. Ouais, là, c'est capable d'y aller. Là, t'es un peu toute feu, mais toute flamme. Mais enceinte comme ça, il sait déjà. Non. Non, mais Julie, Julie, faut être sérieux quand même, c'est un sujet très sérieux, ça, hein. Hein, Julie ? Oui, c'est vrai. Donc, tu sais quoi ? On va demander à l'équipe si vous avez parlé, vous, là, les amis, de ça à vos parents. Est-ce que vous leur avez dit quand vous avez fait votre première fois ? Est-ce qu'ils l'ont su ? Comment ça s'est passé pour toi, Anso, par exemple ? Moi, je l'ai dit à ma mère, mais parce qu'elle m'avait posé la question. Elle m'a dit, est-ce que toi, t'as déjà fait l'amour ? Je lui ai dit oui quand elle m'a posé la question, mais de manière toute simple, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, t'es comme ça, toi. Pas de tabou, tu lui dis direct, quoi. Bah oui, bah, écoute, chez nous, en fait, dans la famille, c'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas de tabou chez nous. Vous en parlez, mais, quoi. Mais elle m'a posé la question, donc je lui ai répondu. Mais je ne serais pas de moi-même allée la voir en lui disant « regarde ». Ouais, mais moi, tu vois, ça a dû lui arriver de me poser la question et j'ai rien dit, quoi. Je ne me sentais pas de dire oui ou merde, tu vois. Ouais. Moi, clairement, hein, mes parents, ils n'ont jamais rien su de tout ça. Ils ont tout découvert en m'entendant à la radio. Ah ouais, l'horreur. Ça a dû tellement choquer ta mère. Oh là là. Je sais pas s'ils ont écouté, je sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que plein de gens leur racontaient des trucs et tout ça. Et du coup, ils ont appris certaines choses comme ça, comme ma grand-mère, mamie Annette, qui m'écoute tous les soirs. Mais mamie Annette, en plus, elle nous écoute tout le temps pendant le sujet Yonf. Donc oui, c'est hyper gênant, quoi. Et là, le pire, c'est que ce soir, elle écoute avec Tati Jacqueline. C'est sa sœur jumelle, elles sont toutes les deux, et là, elles écoutent ensemble. Et ça se trouve, elles débattent entre elles et tout, quoi. Ah bah, ouais. Peut-être. Ouais. Voilà. Donc ce soir, c'est Tati Jacqueline, Mamie Annette. On va parler des gens qui font l'amour bizarrement, pas comme les autres. Tout à l'heure. Non, mais en tout cas, moi je peux les rassurer, je l'ai fait assez tard, à 17-18 ans, et ça s'est bien passé, je me suis protégée, tout ça, mais je l'aurais jamais dit à l'époque, quoi. Ouais, bon, normal, quoi. Les garçons dans l'équipe, vous en parliez ouvertement ou pas? Moi, ils l'ont jamais su. Maintenant ils savent. Pour le coup. Ouais, c'est un peu ça. Merde, putain, ça. Non, ils l'ont jamais su, mais en même temps. Oui, mais c'est ça ce que je disais, ça tombe sous le sens, quoi. Oui, ça tombe sous le sens. Enfin, mon père, je pense qu'il s'en doutait. Ouais. Mais ma mère, non, elle pense que jusqu'au mariage et tout. Ah ouais? Ouais. Carrément. Bah, putain. Mano, toi, à l'arrière? Non, moi, je parle pas du tout de ça, mais pas avec mes parents. Hein. Ça se trouve, ils pensent que je suis encore puceau. Je sais pas. Ouais. Tu l'es pas, toi? Non. Tu l'as fait, Mano? Oh putain, mais musique de la joie, Mano! Ouais, je l'ai fait! Ah, il l'a fait! Ah, c'est la nouvelle du siècle! Ouais, c'est énorme! Non, mais donc, du coup, on est quand même un peu représentant de la population. Je pense que Julie, il est inutile que t'en parles à ton père. Hein. Ouais, je pense que c'est vrai, ouais. D'accord. Je peux quand même lui dire qu'il a une petite queue. Oh, d'accord. Non, non, non. Julie, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a le numéro de tellement vrai ici? Non, Luna, c'est sympa! D'accord, Julie, je sais pas si tu voulais juste passer à la radio, t'amuser, tout ça, mais si c'est une vraie histoire. Si non, vraiment... c'est une vraie histoire, vraiment. Bon, alors vraiment, évite tout ce genre de détails. Franchement, n'en parle pas à ton père, garde ça pour toi et tes potes, amuse-toi avec tes potes, parle de la queue de ton mec avec tes potes, mais pas à tes parents, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Julie. Tout ce qui est sexuel, tu le gardes pour toi et tes potes, mais t'en parles pas avec tes parents. Oui, voilà. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour eux. On va quand même demander aux auditeurs, la 01 42 48 5000, si eux ils l'ont dit ou pas à leurs parents, et comment ça s'est passé, comment ils l'ont su, parce que parfois il y a des parents qui le découvrent par eux-mêmes. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois, via une discussion, un truc. Et il y a du monde au standard déjà. Il y a Francesco. Francesco, hey, si, l'Italie. Hi-ha. Bonsoir, Francesco. Allô, bonsoir l'équipe. Francesco, tu es italien? Allô. Tu es italien, Francesco? Oui, je vous entends, c'est bon. C'est italiano? Non, Brésil. Brésil. Portugal. Welcome. Malheureusement, on n'est pas dans l'Europe, malheureusement. Ah bah oui. Eh ben non, ouais. Bandilla. Alors Francesco, ouais. Comment ça s'est passé, toi? Comment tes parents ont su pour ta première fois? Moi, c'était pendant un repas de famille, moi. Ah, c'est bien, ouais. Bien à l'aise. C'est-à-dire? Bah, en fait, c'est ma mère, elle voulait que j'emmène ma petite amie, en fait, manger un repas de famille. Et nous, dans la famille, en fait, on se dit tout. Donc, on parle de tout. Donc, que ce soit de mes soeurs, que c'était de la contraception, de la pilule, que ouais, mais ça, les maladies, limite. Toutes ces choses-là. Ouais, et mais du ça, coup, moi, j'ai balancé direct. J'ai dit, ouais, bah voilà, bah, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Voilà, je leur ai expliqué directement. D'accord. Et ils l'ont pris comment? Bah bien. De toute façon, c'est mieux de leur dire que eux nous découvrent directement pendant qu'on le fait avec sa chérie ses parents, quoi. Après, c'est peut-être cliché, mais j'ai toujours l'impression que ça passe mieux avec un garçon, quoi. Un garçon qui l'a fait, on est plutôt fiers, alors qu'une fille, on est plutôt inquiet. Ouais, c'est ça. Voilà. Même c'est si ça, moi, je trouve quand même que 14 ans, Francesco, c'est jeune. Hein. Bah après, non, ça va. Moi, je trouve 14 ans, c'est l'âge. 14, 15 ans, c'est l'âge. Non, mais après, chacun son rythme. Nous, on trouve ça jeune. Après, si toi, t'étais prêt, tant mieux pour toi. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ça s'est bien passé. Julie va en prendre de la graine. Le repas de famille, ça passe toujours bien. après, si elle a peur de dire, mais voilà, je pense que ses parents, ils ont dû lui parler de tout ce qui était contraception, les préservatifs, les maladies. Donc, je pense que s'ils ont déjà parlé de ça, elle peut au moins lancer le sujet sur sa première fois. C'est pas bête. Ouais, pas bête. Ouais, l'axe de la contraception, c'est pas bête. Au moins, ça permet de tu vois, de poser les bases, quoi. C'est ça, et bien écoute, j'ai envie de te dire merci le Brésil. Ouais, parce que c'est vrai que ses parents, ils ont dû lui faire déjà la morale, parce que comme c'est une fille, ils ont dû lui parler de la contraception, de la pilule, donc elle peut relancer le sujet sur, qu'elle a un copain, qu'elle l'a fait. Ça marche. Et que voilà. Eh bien, écoute, merci Francesco de nous avoir appelé, en tout cas, c'était des bons conseils. De rien. On t'embrasse, bisous Francesco. Ciao. Il y a bisous. Antoine aussi à Limoges. Salut Antoine. Salut Anto, salut Marion, salut toute l'équipe. Hello. Antoine. Salut. Hey, ce soir, ils ont la pêche. Hein. Ah, mais Antoine, ouais, toujours, toujours. Attends, ah, Antoine, c'est l'été, merde. Attends, on en profite. En plus, il a fait une belle journée. C'est vrai. D'accord. Dis-nous Antoine, comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est ma mère qui m'a chopé. En fait, donc j'étais avec une nana avec qui j'étais censé réviser les cours. Et donc, du coup, au moment où on avait terminé, que j'étais en train de retirer la capote de sueur, elle a vu que je retirais la capote qui était pleine de sperme. Oh, aïe, aïe. Antoine! Ah non, ça c'est le choc. Oh. Ah ben ouais, mais bon. Et donc, du coup, elle est partie courir le dire à mon père. Bah normal, t'imagines, le traumatisme. Ah ouais, mais bon... Non mais attends, c'est surtout comment toi t'as réagi après? J'étais pas très bien. Bah, j'imagine... Mais bon, comme je suis un homme, je suis allé dire à mon père, j'ai fait. Ouais, mais est-ce que après, genre, c'était un peu froid entre vous, un peu tabou, ou ça a été? Non, puisque bon, ouais, on parle un peu de tout dans la famille, pareil, donc je veux dire... Après, je comptais pas leur dire. Je voulais pas qu'ils le sachent comme ça. Je voulais leur dire moi, mais du coup, ma mère m'a chopé. Du coup, au moins, elle a vu que t'as mis une capote. Ouais, exactement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est bien. Par contre, j'imagine que la pauvre fille qui était là pour censée réviser chez tes parents. Ah ouais. Ça a dû être chaud quand même de descendre les escaliers. Enfin, je sais pas comment est ta maison, mais en tout cas, de sortir de la chambre, ça a dû être chaud quand même. Bah, du coup, elle est restée manger et on a mangé tous ensemble. Ah oui, bah écoute, c'est bonne ambiance chez toi. Convivial, quoi. Convivial. Non, mais après, je veux dire, il faut savoir que tout le monde l'a fait au moins une fois. Il y en a certains qui se font choper, il y en a qui se font pas choper, qui le disent à leurs parents. Et voilà, comme on dit, le plus important, c'est de mettre la capote. C'est et vrai, on ne le redira jamais assez. Ah ouais, bravo. D'ailleurs, c'est une question que j'ai bien envie de poser à Julie. Julie, sur la capote, on en est où? On la met? Non, on la met pas du tout. Hein. Oh, mais Julie! Oh. Julie, c'est pas possible ça. Ah ouais. Tu rigoles, Julie, là, j'espère. T'as fait les tests? On a dû aller chercher la pilule avec ma copine à Odysseum. Non, mais Julie, écoute-moi, parce que là, t'es en train de dire n'importe quoi. T'es en train de te vanter d'un truc stupide. Julie, il faut que t'ailles chez un gynécologue prendre la pilule et il faut que tu mettes des capotes avec ton mec si t'as pas fait de test. Tu te rends compte, Julie, de ce que tu dis? Ouais, c'est vrai, mais bon, il y a moins de sensations. Non, mais on s'en fout des sensations. Surtout maintenant, il y a des capotes extra fines et t'as toutes les sensations du monde, je suis désolée. Hein. Donc Julie, si tu ne veux pas mettre de capote, tu vas avec ton mec, tu vas faire les tests, comme tout le monde, et tu prends la pilule. C'est la seule solution, sinon c'est capote obligatoire. Ok Julie, donc déjà, avant de te poser la question de comment je vais le dire à mon père, déjà commence par prendre tes responsabilités. Ouais, c'est vrai. Et sinon, tu parles de ça à ton père et à ta mère, tu vois, la contraception. Ok? Tu leur dis, ouais, voilà. Mais après, ils vont me tuer. Mais non, mais tu leur dis maintenant, voilà, j'ai 17 ans, ça fait un an que je suis avec mon chéri, j'ai une vie sexuelle active, j'ai envie d'être prudente. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'on peut aller voir ensemble les médecins? Tout ça. Ouais, vous avez raison. Et ouais. Ils vont préférer ça plutôt que tu te ramènes en cloque dans 2 semaines, hein, chéri. Oh là là. Okay, Julie. Oh, ouais. Bon, hey, Julie, tu nous responsabilises tout ça, là. Tu mets des capotes, s'il te plaît, t'arrêtes tes conneries parce que tu fais n'importe quoi, ok? Je vous le promets, hein. C'est bien, Julie. T'as intérêt, Julie, c'est la prochaine étape, on compte sur toi. Hein. Et les photos. Mmh. Allez, on t'embrasse. Allez. Bisous, Julie. Salut, Julie. Bisous. Mon Dieu. Je vais quand même dédramatiser avec Pépère. J'ai envie de savoir ce qu'il fait, lui, comment ça s'est passé avec ses parents la première fois. Bah, la mère de Pépère, elle l'a su direct, hein. Ah, tu lui as dit? Bah, non, c'est elle qui était au bout de ma teub ce moment-là. Oh. Bah, oui. C'est pas facile à dire comme vous. À ce moment-là. Oh, Pépère, c'est pas possible. Non, mais sans déconner, faites pas comme Julie. Je sais qu'on est relou là, on fait un peu les tatas chiantes. Mais arrêtez vos conneries, faut mettre des capotes. Ça va vous éviter bien des galères, bien des conneries, bien des MST. Et franchement, c'est hyper important. Sans déconner, ça m'énerve. On en a, on vous en envoie là. 01 42 48 5000. Arrêtez de faire chier, bordel. Eh oui, y a pas de souci. Hein, franchement, là, je vais vous dire, on est ronchon là. Ah oui. Voilà, j'ai le. Hein, je suis pas bien. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va bitcher un peu là tous ensemble, ça va faire du bien. 01 42 48 5000 et pour le son tout de suite, Benny Benassi, Chris Brown sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Turn it up, let go. closer I get to you, it feels like paradise. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Paradise. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Eh, dis donc, bravo la Croatie, 2-1 face à l'Espagne. Ah oui, en plus c'est un bien joli pays la Croatie, tu connais ? Non, je connais pas, j'y suis jamais allée, mais franchement chapeau à eux. Très très joli si vous avez l'occasion d'y aller, bravo les Croates. Et on n'oublie pas que la France joue dimanche à 15h, on sera tout feu, tout flamme avec Anso, mais bleu, oui. Blanc, rouge à fond. Le coq dans les bras. On y va, vas-y mon Pogba. Vas-y mon Gris-Grise. Vas-y mon Giroud. Vas-y mon tout ça, tout ça. Vas-y mon Payet, voilà. Et vas-y tous les autres, on est avec vous. Allez, bleu, blanc, rouge quoi. Enfin un moment où l'on peut dire ce qu'on pense. C'est l'heure de bitcher dans le Night Show. Ouais, la seule émission radio où vous pouvez bitcher là comme ça librement, c'est chez nous, le Night Show, 22h minuit du dimanche au jeudi. Et en gros, le principe il est simple, vous appelez le 01 42 48 5000, vous donnez votre vrai prénom ou pas, hein, si vous voulez passer en anonyme, il n'y a pas de souci. Et on bitch sur ce qu'on veut. Ça peut être une émission télé, ça peut être une star, ça peut être un réseau social, ça peut être n'importe quoi, un sujet d'actu. On est ouvert à tout et on va commencer avec Anso. Ouais, moi je voulais bitcher sur un truc, parce que vous savez, on l'a dit en début d'émission, je me suis acheté un maillot de bain tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc j'ai fait 800 millions de boutiques pour trouver le truc, parce qu'en fait les soldes démarrent demain. Donc dans toutes les boutiques, il y a des compartiments où tu peux pas avoir accès à leurs fringues. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont déjà préparé les étiquetages des soldes. Donc ça veut dire que tu peux même pas les acheter la veille des soldes. Donc c'est, je trouve ça déjà hallucinant. C'est complètement con d'acheter un maillot de bain la veille des soldes. Hein. Oui, mais bon, j'ai pas le temps demain. Et comme on part jeudi, ça m'arrangeait pas. Et puis surtout, je voulais bitcher aussi sur les soldes qui vont démarrer demain, parce qu'à chaque fois, moi, c'est pareil, je ne trouve rien de soldé. Ouais, et puis il y a trop de monde, hein. Sans déconner, je sais pas comment ça se passe dans vos régions, mais à Paris, c'est juste un enfer. Non, mais c'est l'horreur. C'est-à-dire que les gens font la queue déjà le matin, ça s'arrache les vêtements. Franchement, c'est pas un cliché. Hein. Et puis c'est mal présenté sur les cintres, là. Toutes ces fringues qui sont collées serrées, elles respirent plus. On n'y voit plus rien. Ouais, c'est vrai. Non, on mais a c'est fait une bonne pub pour les soldes, en tout cas. Non, mais c'est vrai, c'est relou. Non, mais en plus, je me connais, je vais quand même aller faire les soldes. Hein. Je vais y aller. Puis je vais en ressortir avec que des trucs pas soldés, quoi. Oui, c'est forcément. Ça, c'est toujours pareil. Ça te donne trop envie parce que la nouvelle collection, elle est hyper attrayante. Et là, t'as que les trucs dégueux soldés à moins 20 parce qu'au début, ça commence tout doucement. Ouais. Et faut attendre 3 semaines pour avoir les moins 60. Et puis, ils te mettent bien la nouvelle collection en vitrine pour bien t'appâter, quoi. J'ai l'impression qu'on est Catherine et Liliane. Et puis, et puis, tu tombes bien dans le panneau comme une grosse quiche, quoi. C'est vrai. Hein ? Les garçons, vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Et tiens, comment ça se passe dans le monde d'un mec, les soldes ? Alors, dans le monde d'un mec, les soldes, pour moi, il y a. Enfin, je m'en fous, en fait, des soldes. C'est toute l'année, je me balade, il y a un truc qui me fait kiffer. Si c'est pas trop cher, je l'achète. Voilà, c'est tout. Ah, tu vas jamais faire les soldes ? Ben non, parce que moi d'abord je fais du S en taille. Ouais. Et les S et les M, c'est les tailles qui partent tout le temps. En même temps, j'imagine pas dans les boutiques les mecs se bastonner pour un pull, quoi. Je sais pas, Mano, déjà fait ou pas ? Non, et je fais pas beaucoup les soldes parce qu'en fait, maintenant, dès que tu fais un achat, ils te demandent ton adresse mail et ils t'envoient des mails pour les ventes privées. C'est genre 2 semaines avant les soldes. Tu les achètes tous tes vêtements, toi ? Non, mais il a raison. Mais tu sais, mais lui, il va chez je ne sais pas quoi. Non, toutes les marques font des ventes privées et c'est 1000 fois mieux que les soldes, du coup. Bah oui, parce que t'as des réductions de ouf et avant tout le monde. Mais pourquoi il me demande jamais mon mail, moi ? C'est vrai, ça, ils font un peu à la tête. Hein. ils disent attention les gars, elle c'est un pigeon. On va pas lui envoyer les ventes privées, quoi. Bon, moi rien à voir, je voulais bitcher sur mon émission préférée de tous les temps, c'est L'amour est dans le pré. Ah oui. Je l'adore, mais alors cette émission, je trouve qu'elle est programmée au mauvais moment, c'est-à-dire en plein été. Ça commence cette année le 11 juillet, s'il te plaît. Oh merde. C'est-à-dire que tout le monde est en vacances, ou presque, et franchement, moi du coup, je vais manquer la moitié, et ça me saoule parce que j'adore. Et deuxième point qui m'a vachement déçu, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps sur l'émission. Alors, je sais pas s'ils se trompent dans leur casting ou quoi, mais là, il y a quand même un ancien candidat qui s'appelle Jean-Claude, qui a été poursuivi en justice parce qu'il avait tapé sa femme, s'il te plaît. Ouais. Candidat trouvé dans l'amour et dans le pré. Ouais, donc, Jean-Claude priori, et Maude. Voilà. Jean-Claude, candidat culte, en plus que j'aimais trop, il me faisait trop rire. Ouais. Et alors, en a priori, mode plainte et tout? Bah, ouais, c'est elle qui a porté plainte. Alors, a priori, en fait, il aurait bousculé sa femme qui, manque de peau, tenait le nouveau-né dans les bras, qui serait tombé avec. Oh non, pas le nouveau-né, arrêtez. Non, mais il va bien. Il va bien. Mais pas. C'est juste que c'est un concours de circonstances. Soi-disant, elle n'aurait pas frappé tout ça. Mais enfin, on pousse pas quand même une femme, Jean-Claude. Ouais, bah oui. C'est limite. Pas cool. Du coup, voilà, je sais pas comment ça va se passer. Ils ont rien déclaré. Karine Le Marchand a rien dit. Je pensais qu'elle allait faire un petit mot sur les réseaux sociaux, mais rien du tout. Bah, mais qu'est-ce que tu dis, la pose, c'est pas de sa faute. Il faut regarder Crime sur Morandini, vous allez voir. Arrête. Mais en plus, moi, j'adore cette émission aussi. Je suis dégoûtée que ça commence. Ça commence pas plus tôt d'habitude? Si, je crois que ça commence plus tôt. Fin juin d'habitude. Ouais. Ah non, mais les gars, qu'est-ce qui se passe là? Dis donc. Vous savez quoi qu'on m'appelle M6 immédiatement là? Hein, bah ouais, on comprend pas là. À 23h40, qu'on m'appelle un responsable. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, appelez-nous en tout cas, on bitch ensemble. 01 42 48 5000 et il y a Benoît de Tours avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Marion, bonsoir un peu, bonsoir toute l'équipe, comment ça va bien? Bonsoir Benoît et ta pêche. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah oh, désolé, je suis un peu fatigué. Bah t'inquiète Benoît. Va. Allez, on t'écoute, tu peux bitcher sur ce que tu veux. Ouais, bah moi j'aimerais bien bitcher sur un truc que je trouve totalement con, c'est sur la marque Desigual quoi. Ah oui, oui, oh merde, c'est là où je voulais en venir, c'est que je sais pas ce qu'ils ont fait, on dirait qu'ils ont pris plein de caca de nouveau-nés un peu jaune, vert, qu'ils ont tout foutu sur les vêtements, je comprends pas leur délire. Mais tu sais que moi j'étais à Ibiza il y a pas longtemps pour un mariage, et Desigual là-bas en Espagne, mais c'est le feu. C'est-à-dire que c'est tellement la mode, je pense que c'est juste une question de culture, voilà, eux ils aiment bien les couleurs, mais les ouais, trucs un peu folklore. Des fois j'en vois, il y a des gonzées, c'est ressort, elles ont 3-4 sacs qui sont blindés, et comment elles font? Non mais en plus, comment elles font, c'est... Au-delà d'être, effectivement, je partage ton avis, Benoît, au-delà d'être pas très jolie, ouais, ça coûte super cher. Ouais, c'est vrai. Après, moi, tu vois, ma mère est complètement fan de Desigual. Elle adore. À Noël, je lui ai acheté un peignoir Desigual. Ça m'a coûté 100 balles. Et franchement, je comprends pas non plus le délire. Hein. C'est trop voyant, ouais. Quoi. Cela dit, j'ai une confession à vous faire. Voilà, ce soir. 21 juin 2016, j'ai récemment fait le tri dans mon armoire. Oh non. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même acheté un débardeur Desigual il y a quelques années. Ah non, ouais, il est comment tatoué. Il est mais dégueulasse. Eh ben tu sais quoi, prochaine fois on va faire un pack tout amour et tu vas offrir le débardeur Desigual. Est-ce que tu sais, je donne mes fringues quand elles sont trop petites, ouais. Ou tout ça, je les donne à des associations. Anso, comment tu fais? Et celui-là, qu'est-ce qui t'a pris? Je le vois comme un trophée, donc je l'ai gardé. Donc si vous voulez, je peux vous l'apporter. Ah demain, bah oui. On fera une photo. Non mais il faut que tu l'offres. Non. Ouais. Comment tu fais une belle femme comme ça pour aller chez Desigual, sérieusement? Il est outré. Oh. Non. Là, tu me déçois. L'erreur est humaine. Et puis juste, il en faut pour tous les goûts. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui adorent Desigual et qui en portent. Et c'est leur style et ils ont bien raison. Hein. Oui, non, mais ils ont raison. Ouais, mais c'est dégueulasse. Ça marche, hein, vraiment tout le temps. Bah ouais, ça cartonne cette marque en plus. Hein. Bah oui. Donc il y a bien une raison. Bon, Benoît, on a entendu ton cri du cœur. Ça marche. On t'embrasse. Bisous. Ouais, je vous embrasse aussi l'équipe. Bisous. Salut. Les garçons dans l'équipe, qui a envie de bitcher? Ouais. Qui a dit ouais? Attends, est-ce qu'il y a Enzo? Vas-y, mec, bitch sur un truc. Ouais, j'ai envie de bitcher sur les stylos Bic. Pourquoi? Bah, en fait, toujours ils bavent. Et ça rend ouf, j'en ai partout sur les doigts. Mais je suis d'accord avec toi, cela dit, moi aussi. Et non, mais juste, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai envie de bitcher sur ta queue de cheval, mec. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais il a attaché ses cheveux? Ah ouais, faites une photo pour les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas mal, moi. Ça fait joueur de foot, quoi. On se cherche, quoi. Ouais, mais il est pas joueur, lui. Non. Bon, ok, les stylos Bic, si tu veux, pas mal. Bonne impro. Amir, vas-y. Moi, j'ai envie de bitcher sur tous les gens qui se la racontent, mais particulièrement. Non, mais tu me regardes. Tu l'as déjà fait? Non. Pas les gens qui se la racontent un boulard, mais ceux qui sont dans les bars et qui se la racontent. En fait, c'est un peu pareil. Mais il l'a déjà fait la semaine dernière. Attends, mais je comprends rien, moi. Et la semaine dernière, il a bitché sur les gens qui se la racontent, et là, il me sort. J'ai envie de bitcher sur les gens qui se la racontent. Non, mais du coup, j'ai un autre bitchase. Vas-y. Du coup, je voudrais bitcher sur un magasin, c'est une marque aussi. Oui. Que j'aime plus du tout, du coup, parce que c'est des arnaqueurs. Enfin, à mon sens, hein, j'engage que moi personne. Ouais. Sandro et compagnie, là. C'est ces marques là où qui vendent des pulls à 200 balles et en fait tu les fous à la machine et puis après. Alessandro, Mage, tout ça. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est de la qualité mais effectivement c'est hors de prix. En tout cas c'est cool parce que si vous voulez communiquer sur Fun Radio, là, il faut dire. Ouais. Non mais en fait on m'a offert un pull Sandro pour un anniversaire et je l'ai foutu à la machine et mais en fait. Faut pas. Mais faut pas, ça se lave à la main ça. Mais tu regardes pas les étiquettes. Mais attendez, le truc il coûte 200 balles. Je vais pas le laver à la machine, je vais le laver à la main et que ça faire. Bah oui, c'est le but. Il y a plein de pulls que je lave à la main. Hein. Excuse-moi, pour 200 balles dans un pull, non, je vais pas le laver à la main. D'ailleurs, vous trouvez pas que quand tu laves à la main, ça pue? Non. Moi, je dois pas bien laver à la main. Non, mais du coup, jamais. Moi, je reste chez les marques H&M, Zara, tout ça, quoi. D'accord, ça marche. Il y a Marie de Bordeaux qui voulait bitcher aussi. Bonsoir, Marie. Ah, je la connais. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir. Allez, bienvenue ici. Ça va, Marie? Ça va et vous? Oh, très bien. Ouais, très bien. On t'écoute sur ton bitchage. Ah, Alors, moi, je voulais dire que, en fait, par rapport à Secret Story, je trouve que ils sont en train de tirer un peu les verres par le nez. Parce Oula. Que. en fait, attention, Marie, on me fait signe que cette expression est mal employée, oui. par contre. Oui, ben, c'est pas grave. Non, en fait, le truc, c'est que normalement, la diffusion, c'est vendredi soir. Donc, ouais. Vous aviez le week-end pour bien regarder, tout, il n'y avait pas de problème. Mais là, ils veulent le mettre un jeudi. Sachant que le lendemain, on a cours. Et puis, je trouve ça un peu. Un peu bizarre, sachant que je pense qu'ils sont en train de couler, donc je sais pas, peut-être ils veulent de l'audience, enfin, je sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que, alors je sais pas si ça a été acté définitivement, mais j'ai vu ça, donc déjà ça va être que sur NT1 maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les primes sur TF1. Et effectivement, l'hebdo, ils ont envie de la passer le jeudi. Je comprends pas non plus pourquoi. Peut-être pour rebooster les audiences du jeudi, effectivement, ou pour éviter la grosse concurrence le vendredi soir. Mais c'est vrai que c'est con. Jeudi, tout le monde bosse le vendredi, quoi. Bon, toi, Marie, t'es fan de Secret Story, quoi. Bah, je suis pas fan, une grande fan que ça, mais j'aime bien regarder parce que c'est drôle. Enfin, on dirait des animaux qui se battent dans une maison. Donc, bon, après, c'est bien résumé. Ah, mais si, j'aime bien. Après, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que vraiment, Secret Story, ils sont en train de couler. Et puis, c'est pour ça, peut-être, ils veulent essayer de mettre ça un jeudi. Mais eh bien, je pense pas qu'il y aura un grand monde. Qu'on m'appelle immédiatement NT1 et qu'on retrouve à 23h46 un responsable. On va vous arranger tout ça, ne nous t'inquiète pas. Oui, sans problème. Les meufs qui pensent avoir du pouvoir. Bon, Marie, on t'embrasse du côté de Bordeaux. Merci de nous avoir appelé, chérie. Bisous, bisous, bonne soirée. Bisous. Mano, bisous. Tu voulais bitcher, toi, sur un truc? Ah, moi, c'est les chaînes d'infos, parce que j'aime bien regarder le matin. Tu vois, je me lève. Je mets les chaînes d'info et tu regardes 10 minutes et après c'est tout le temps en boucle. Genre là en ce moment c'est le foot, moi je suis pas très fou. Alerte info, d'après une étude scientifique américaine, il semblerait que nous subissions un moment terriblement chiant. Immédiatement, on va parler cul avec vous dans un instant. 01 42 48 5000. Ce soir, avec Marion, on a décidé de se faire un dossier puisqu'on a eu plusieurs témoignages d'auditeurs qui ne font pas l'amour comme tout le monde. Non. Et je peux vous dire qu'on a du dossier, mais de ouf. Il y en a carrément un qui, je pense, fait un concours avec sa teub quand il fait l'amour. Quoi ? Ouais, bah, vous allez comprendre dans un instant. Bougez pas, c'est Marion et Anne Soul Night Show. On parle fion avec vous dans un instant. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Get your hands up. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and like Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. I'm Madame, vous vous êtes coincé un doigt? Oh, pardon. Visiblement, c'est l'heure de parler sexe dans le Night Show. Et le dossier du soir dans le Night Show, c'est « Je ne fais pas l'amour comme tout le monde ». Donc si ça vous parle ce sujet, n'hésitez pas, 01 42 48 5000. On prend tous les témoignages, même ceux en anonyme, il n'y a pas de souci. On est très curieux de savoir ce que vous avez à nous dire là-dessus. Alors justement Marion, est-ce que toi tu as un truc Non, alors moi je vais vous décevoir, clairement je suis assez banale, je fais l'amour comme tout le monde, j'ai aucune particularité, vraiment, je vais pas m'en inventer pour faire genre, j'en ai pas. D'accord. Voilà, toi je sais que bon, t'aimes bien faire l'amour par téléphone, t'aimes bien te faire cracher dans la bouche, tout ça, ce n'est pas mon cas, donc voilà. Ça m'est arrivé une fois, donc du coup c'est pour tout le temps quoi. Bah, pour rien dire dans cette émission, d'accord. Je confirme. C'est repris contre nous, pas de soucis. Amir, est-ce que tu fais l'amour de manière chelou, est-ce que t'as des pratiques bizarres? Est-ce que tu fais pas l'amour comme tout le monde? Moi je suis tout à fait normal. Ok, la personne est chiante. Mano à l'area. Moi je fais l'amour normalement aussi. Bah oui, missionnaire, levrette, comme tout le monde. Ouais, gangbang, boukake. Mais mec. Oh non, ce mot est horrible. Le boukake, c'est horrible. Je déteste ce mot. Comment on peut expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent ce que c'est qu'un boukake? Bah on peut pas. Bah Mano, vas-y, tu t'y colles. En fait, c'est il y a une gentille fille au milieu de plein de garçons. Essaye de le décrire de manière sympa. Ouais, voilà, il y a une gentille fille qui est consentante évidemment, et il y a plein de garçons autour qui jouent à un jeu avec leur sexe. Et puis, à un moment, ça sort quoi. Ouais, c'est un peu gentiment... une cible humaine. Voilà, asperger quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. C'est comme si c'était des pistolets à eau. Oui, c'est bon, on a compris. Mais et elle en prend dans les yeux et partout quoi. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, cible humaine, on avait compris quoi. D'accord. Je voulais être claire, c'est tout. 01 42 48 5000. Je vous le disais il y a quelques minutes, on a pas mal de gens qui ont des pratiques bizarres. Voilà. Et il y a Elliot de Valenciennes qui a 24 ans. Bonsoir Elliot. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe. Ça va Elliot? Ça va très bien et vous? Ouais, très bien. Raconte un peu à tout le monde. Elliot est hyper content de nous raconter son truc. Ouais, je suis assez speed, mais c'est en rapport avec mes pratiques sexuelles, on va dire. Dis-nous tout. Ouais. Moi, je suis adepte de ce qu'on appelle le quickie. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, non. Bien sûr. Non, pas moi. Attends, le quoi? Le quickie. Le quickie. Alors, comme son nom l'indique, c'est un coup rapide, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu fais que des mini-coups. C'est ça, je me fais des petits défis avec moi-même, histoire d'aller le plus vite possible et de la rentrer le plus souvent possible, quoi. Me faire des petites courses. En fait, c'est des 5 minutes, quoi. C'est des petits coups. Ouais, voilà, dans le boulot. Des petits coups de zizi, comme ça, par-ci, par-là. Mais alors, ça, tout le monde en fait plus ou moins, mais est-ce que toi, tu fais que ça, ou t'as quand même des rapports normaux, entre guillemets? Non, j'ai des rapports normaux, mais clairement, si je devais choisir entre les deux, je choisis le cookie, de ouf, direct. Mais est-ce que tu comptes, par exemple, tu te fais des concours avec toi-même? Ouais, c'est ça, je compte approximativement, je me fais une petite moyenne à la fin, quoi. D'accord. Plus, j'ai vu qu'il y a des sextoys qui comptent les allers-retours, donc le prochain achat va là-dedans. D'accord, bizarre, parce que normalement, tout le monde veut tenir le plus longtemps possible, faire kiffer la meuf, lui, il veut aller rapide, quoi. Mais ma meuf, elle adore ça en plus, donc bon, ça joint dans l'utile et l'agréable, quoi. Et est-ce que tu te fais des cadeaux quand tu bats ton propre record? Moi, je me offre des petites croquettes, comme ça, quand je vais le plus vite possible, je me fais des petits cadeaux, des petites récompenses, quoi. D'accord, il fait comme nous, pourquoi tu m'appelles? Il met un bête gagnant et tout. C'est ça, il y a des pom-pom girls et tout, il y a des confettis, c'est la fête. Attention, on me fait signe que tu vas trop loin, Elliot. Écoute, tu vois, ça, pour le coup, ça me choque pas. Je trouve ça assez marrant, c'est sympa, pourquoi pas. Surtout si, si c'est un délire avec ta meuf, en plus, je trouve ça plutôt rigolo aussi. Ouais, non, c'est à deux, là, pour le coup, oui. Il y a moi et il y a elle, quoi. Merci de nous avoir appelé, Elliot. Merci à vous. Bisous à toi. Bisous, bonne soirée, salut. On t'embrasse. Il y a Audrey aussi d'Albi. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Mario Anso. Bonsoir, toute l'équipe. Allez, ça va, Audrey? Ça va, et vous? Ouais, très bien. Comment tu fais l'amour, toi? Moi, je suis du genre un petit peu narcissique. C'est-à-dire que je suis obligée de me prendre en photo. Bon, ça, c'est vraiment très, très rare et c'est très, très hard quand même. Mais plus me filmer ou le faire devant un miroir. Vous avez déjà fait l'amour devant un miroir dans l'équipe? C'est chelou, hein? C'est hyper chelou. Ah, c'est chelou, hein? C'est hyper chelou, mais du coup, je me regardais. Moi aussi, c'est bizarre. Ça me faisait rire. Parce que c'est hypnotisant, on est obligé. Au début, c'est gênant, mais on est obligé de se regarder. C'est comme ça, c'est un mécanisme. Ouais, c'est bizarre parce que t'as pas l'impression que c'est toi. Mais alors, attends, ça veut dire que tu le fais à chaque fois. Il faut soit que tu te regardes dans le miroir, soit que tu te filmes. Enfin, il y a un délire narcissique, quoi. La plupart du temps, oui, c'est mon gros délire. J'adore faire l'amour comme ça. Bon, je fais aussi l'amour, on va dire, un peu plus classique, mais. On est d'accord qu'il faut quand même vachement être décomplexé et se kiffer physiquement, parce que si t'as des défauts sur lesquels tu bloques, c'est impossible à faire ça. Pas tellement, parce que moi, il y a des petits trucs chez moi quand même que j'aime pas, mais en faisant l'amour, enfin, je sais pas, je suis... Ça me... Je m'en fiche, en fait. Mais c'est vrai que tu vois plus tes défauts de quand il y a un miroir. Ah bon ? Tu vois plus... Non, c'est vrai. Ah tu bon vois plus, parce que, je sais pas, il y a une espèce d'excitation qui enlève tes défauts. C'est assez désinhibant, en fait, le miroir. C'est bizarre, mais t'as pas l'impression que c'est toi, mais c'est plutôt rigolo, quoi. Sympa. Et puis même, ouais, le fait d'être filmé, tu te prends au jeu, au final, et tu... Enfin, ouais, voilà, tu te lâches, tu t'en fiches, et puis après, tu revois les vidéos avec ton chéri. Ouais, voilà, comme ça, pour le fun, quoi. ouais, non, on évite quand même. Ok. Eh ben, écoute, on valide ce dos. Merci, chérie. Merci, Audrey. De rien, et je vous fais des bisous et je pense à vous parce que là je suis vers Nîmes où il fait très beau et j'ai les pieds dans l'eau, je suis dans ma piscine et je vous parle. Donc je pense à vous avec votre temps pas super sur Paris, mais bon, bientôt vous allez à Ibiza et franchement vous avez trop de la chance. Merci chérie de penser à nous. On t'embrasse ma belle, profite bien. Bisous, merci, bisous à toi. Bisous, bisous. Il y a Maxime aussi du côté de Paris, ça va Max ? Ça va et vous ? Ouais, très bien Max. Alors dis-nous, comment ça se passe pour toi la sexualité ? Bah déjà ça se passe bien. et moi je me déshabille jamais entièrement en fait. Je garde mes fringues. Putain, mais moi j'avais un pote qui faisait ça aussi. Ah bon ? C'est-à-dire que la nudité l'excitait pas. Il préférait le faire habiller, quitte à juste enlever la petite culotte de la meuf, mais qu'elle reste habillée et lui aussi. C'est un peu ça. Non mais ça nous est déjà tous arrivé à un moment donné. Bah oui, mais c'est dans le feu de l'action, mais moi j'aime pas trop. Hein. Bah moi ça me dérange pas, mais une fois quoi. Ouais c'est ça, pas tout le temps quoi. Toi, tu le fais tout le temps ? C'est très souvent, ouais. Ça m'arrive de tout enlever, mais ouais, c'est. Mais... La plupart du temps, c'est habillé, ouais. Mais t'es avec une nana, Max, ou t'es... Ouais, je suis avec quelqu'un en ce moment. Et elle, ça la dérange pas non plus de rester habillée ? Bah non. Petit blouson, bomber, tranquille. Peut-être pas quand même, mais. Ça fait des économies de sous-vêtements. Ouais. Des fois, je n'enlève même pas la culotte, hein, je la décale et. Ah ouais, on a compris. Ouais, voilà, on connaît la technique du coupé-décalé de la culotte. Pas mal. Bon, pas ok. Mal. Eh ben écoute, si t'es heureux comme ça et qu'elle kiffe, c'est le principal. C'est ça. Je peux passer une petite dédicace. Vas-y, sûr. Petite dédicace à tous mes potes et à mon petit frère, je pense qu'il m'écoute. Il va être content de savoir tout ça. Ouais, tout ce qui est coupé-décalé de la culotte. Exactement. Bisous. Bisous, Max. Bisous. À bientôt. Et juste avant d'accueillir Adrien Thomas là pour Party Fun, j'aimerais qu'on se fasse une session 4 des pratiques sexuelles, puisqu'on parle des trucs sexuels qu'on fait pas comme les autres. Ouais. Là, on va se faire un quiz sur les pratiques sexuelles cheloues. Je vous cite à chaque fois le nom de la pratique. C'est pas des vannes, ça existe vraiment. Et deux propositions, vous me dites laquelle vous paraît la plus sensée. Ok. Allez, ok. Omorashi, est-ce que c'est s'exciter devant un restaurant de sushi ou s'exciter devant une personne qui a envie de faire pipi ? Pipi. Omorashi. Pipi, ouais. Ouais, c'est ça. S'exciter devant une personne qui a envie de faire pipi. Mais c'est bizarre quand même. Je pense que c'est les gens qui aiment bien justement se faire uriner dessus, etc. Donc ça les excite de voir l'autre un petit peu comme ça dans la retenue. Il y a des stars qui font ça. Ah oui, je te confirme. on va pas les citer. Formicophilie. Est-ce que c'est se mettre des insectes dans l'anus ou prendre du plaisir à écraser des insectes ? Écraser les insectes. Ouais, j'espère. Eh ben non. C'est avoir un lien sexuel avec les insectes. Donc soit se les mettre dans l'anus, soit se les frotter contre la teub. Vivant ? Ah bah ça, je sais pas. Excuse-moi, je suis pas allée dans la recherche à ce point-là. Oh là là, visiblement c'est vivant. Hein, Formicophilie, mais c'est terrible. C'est horrible. Les pauvres fourmis. C'est terrible. Clismaphilie, est-ce que c'est exposer ses parties génitales devant un climatiseur ou faire la fontaine à eau avec trou de balle ? Climatiseur. Clismaphilie, eh ben non. C'est s'insérer et éjecter du liquide dans les fesses. Je vous promets que c'est vrai. Alors je sais, vous allez dire non, c'est inventé et tout, mais ça existe. Faire la fontaine à eau avec son trou de balle, c'est comme ça, c'est les clismaphiles, ils le font. Je suis désolée, Anso, c'est vrai hein. On continue. Monophilie, est-ce que c'est faire mumuse avec les règles de sa partenaire ou se faire rouler sur le sexe par un monospace? Les règles. Monophilie, oui c'est ça. C'est en fait l'excitation à la vue du sang. Donc en gros, tu t'amuses avec les règles de la meuf quoi. Mais comment tu t'amuses avec ça? Tu regardes, tu touches, tu sens quoi, tout ça. Ah d'accord. Désolé. Agalmatophilie, est-ce que c'est vouloir bifler les gens qui disent sans cesse pas d'amalgame ou se dire qu'une statue est mieux dans son cul qu'au musée? Bah ni l'un ni l'autre. Et bah si, c'est la deuxième, c'est l'attirance sexuelle sur les statues. Donc se mettre des statues dans les fesses. D'accord. Ça c'est l'agalmatophilie. Ça existe. Mais genre des statues, c'est-à-dire qu'il y a toute forme de statue, toute taille de statue. La statue de la liberté rentre pas globalement, mais sinon les petites, oui. Le souper des bordels. Est-ce que c'est tremper du pain dans une semence masculine comme un pépito dans un bol de lait ou tremper du pain entre les orteils mycosés de sa partenaire ? Le 2. Non, c'est le premier. Ah, ouais. Alors, le soupeur des bordels, en gros, tu trempes ton pain dans du sperme et puis tu le manges après. Je pourrais vomir, là. À l'instant, maintenant, là, je peux vomir. Bah, tu vois, c'est celui qui me dégoûte le moins, moi, jusqu'à maintenant. Bah, quand même. Bah, attends, dis donc, un petit insecte. Sacofricos. Sacofricos. Est-ce que c'est coincer ses couilles entre deux portes coulissantes ou faire un trou dans sa poche de pantalon pour pouvoir se masturber en public? Non, ouais, c'est le trou. Coulissante. Non, le trou dans la poche. Bien joué, Amir. Ah, oui. C'est évidemment le trou dans sa poche. Parce que dans une pratique sexuelle chelou, dans une autre partie, dans une autre émission, on n'avait pas parlé de quelqu'un qui aimait bien dans une porte coulissante. Oui, et on avait même dit qu'Amir l'avait déjà fait. C'était la bite flottante. Ouais. On avait appelé ça. Moi, j'avais fait la bite flottante, moi. Mais là, sacroficos, c'est tu fais un trou dans ta poche de pantalon pour pouvoir te masturber en public. Alors, on est d'accord, c'est limite légal, l'histoire. Ouais, hein, on conseille pas ce dos. Hein. Non, faites pas. On conseille rien, même, de tout ça. Oh, écoute, la statue dans les fesses, ça passe. KSF-philie, est-ce que c'est rouler son sexe dans la panure de poulet ou tremper son sexe dans la sauce barbecue du KFC? Attends, mais... Bah, la panure de poulet. Ouais, c'est ça. La KSF-philie, c'est rouler son sexe dans la panure de poulet. Mais je me demande qui a inventé ce dos. C'est pas possible. La KFC-philie, c'est pas possible. C'est chez KFC. Mais si, c'est une vanne. C'est non, pas possible. Il y a des gens qui le font. Et du coup, ça s'est transformé en ce mot-là. C'est Maxime qui fait des blagues. C'est toi qui as trouvé ça? Viens, Maxime, explique que c'est vrai parce que les gens vont pas me croire. T'as trouvé ça où? Sur un site, c'est vrai, c'est pas le nom scientifique, mais en fait, ils ont appelé ça comme ça parce que des gens le faisaient, en fait. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, c'est imagé, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment des gens qui roulent leurs zizi dans la panure de poulet. Mais après, après qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les font frire. Non mais ils se font probablement faire une fellation. Ouais. D'accord. Mais c'est pas terrible de prendre de la panure comme ça si c'est pas frit. J'en sais rien. Mais c'est vrai, ça n'a aucun intérêt. Ils mettent de l'huile et tout. Je sais pas moi. Écoute, si vous êtes KS Phil, appelez-nous. Le meilleur restera quand même la fontaine à cul. Non, alors attends. Celui-là, je te le redis quand même, c'est la clismaphilie, faire la fontaine à eau avec son trou de balle. Voilà. S'insérer et éjecter du liquide dans les fesses. Bonsoir Adrien Thomas. Bonsoir, la plus belle transition. Hein. Il n'y a même pas eu un point à la phrase non. Avant le salut Adrien Thomas. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Direct. Qu'est-ce qu'on en pense de toutes ces pratiques? On pratique ou pas? Ouais. Ouais, bah, ouais. Attends, parce qu'il y a quand même se mettre des insectes dans l'anus, se mettre une statue dans l'anus ou éventuellement rouler son sexe dans la panure de poulet. Non, j'espère que tu ne pratiques pas. Est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube de mecs qui font ça? Bah, je pense sur des sites de cul, ouais. Enfin, ouais, je sais pas. Je vais pas sur ce genre de site internet. Écoute, on va rechercher pour vous tenir au courant. Évidemment. Non, mais toi, t'as des pratiques somme toute normales. Ouais, mais je suis. Non, moi, ce truc que je fais, c'est je prends toujours une douche avant de baiser parce que. Pour l'hygiène, je trouve ça plus sympa. Là, je t'en mais c'est pas un truc, tu vois. Non, c'est pas un truc de ouf. Hein. Non, c'est excellent. Ouf, ça. Voilà, on est d'accord. C'est quand même pas mal. C'est ouais, normal. Ouais, les odeurs, t'es sûr, t'es nickel. Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Mais ça enlève quand même vachement de la spontanéité. Les gars. Mais pas du tout. Chercher la meuf, tu la vois à 20h, elle a passé une journée de taf. Bah, je suis désolé, elle est pas fraîche. Ah, mais d'accord. Mec, mais bon, ça enlève tout le délire, quoi. Mais oui. Tu commences à te chauffer. Excuse-moi, je vais à la douche. Non, mais tu vas à la douche avec. Tu dis tiens, on va prendre une douche. Personne fait ça. C'est chiant, Adrien. Personne fait ça. Attends, mais moi, après une journée de taf, je suis très propre. Mais oui, et puis surtout, on a des lingettes, il y a des capotes. Attendez les gars, le respect est perdu ou quoi? La pauvre. Non mais franchement, meuf mec, c'est tout le monde pareil. Mais arrête Amir, il y a des solutions, tu le sais très bien. Il y a des lingettes, il y a plein de trucs. Et je suis désolée, tu te laves pas avant chaque rapport. Excuse-moi, fais pas le mytho. Bah non. Si. Mec, il va faire croire ça à qui? À moi. Ouais. Arrête. À ta mère. Arrête. Bon. Il est minuit 5, on ne mitonne pas aux gens. Tu ne te laves pas avant l'amour. Basta. Voilà. Je vais commencer moi du coup. Bon, Adrien Thomas, Party Fun, ça se présente bien? Oui, ça se présente bien. Bah, toujours mieux que l'ambiance qu'il y a chez tu vous. Tu t'es douché avant ou pas? Oui, je me suis douché parce que je rentre du sport, je suis un sportif, bien évidemment. Oh, donc, sympa. Je me suis douché. J'ai encore vu plein de petites bites ce soir à la salle, ça m'angoisse à chaque fois, je vous jure. Je me dis que je suis quand même un. Est-ce que les mecs sont tout nus? Non, mais c'est ça. J'ai l'impression quand je dis ça à mes potes, je te jure. Ils me disent, mais attends, mais ils se mettent tout nus, les mecs, dans ta salle? J'ai dit, bah oui, au vestiaire. Et toi? Non, moi je me mets pas tout nu. Tu mets ta serviette. Je respecte tout. Les autres quand même. Et on va le voir, on va le voir en maillot de bain, Ibiza, celui-là. Au complexe, quoi. Il pourrait être complexé tout ça. Arrête, mec, le lourd. Bon, on vous laisse avec Adrien Thomas, la grosse tub là, pour Party Fun. Nous, enfin on se retrouve demain en direct, 22h minuit, pour la dernière de la semaine, du coup, parce qu'après, on sera à Ibiza. On va vous préparer plein de surprises, des vidéos, une émission spéciale avec toute l'équipe de Fun Radio. Du coup, demain, dernière émission, si vous voulez participer, la Marion et Anne Soir au base funradio.fr. On est là pour du conseil, pour du jeu, pour du pourquoi tu m'appelles, pour tout. Et du rire. Et puis, bah, Marion et Anne Soir, la chaîne YouTube, Marion et Anne Soir Gaming, si vous voulez nous voir en mode gameuse. On joue à Call of, on joue à des trucs qui font peur, on a joué à FIFA 16 aussi. Ouais. Enfin, bref, on se marre. Demain, c'est Bruno qui vous réveille et nous, on termine en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Adrien Thomas. Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Bienvenue sur Fun Radio jusqu'à 1h du matin. Salut. Party Fun avec des nouveautés, des remix ce soir encore une fois, comme tous les soirs, David Guetta et Zara Larsson. Remix signé Stéphane Darbrook, c'est un remix qu'il a joué quand il était sous la tour Eiffel en train de mixer. Rappel. Remix exclu dans un instant. Il y aura aussi The Chainsmokers, le nouveau Cashmere et puis Galantis. Ouais. No Money. Yes. Allez, bisous. Bisous, Adrien. Bisous, mon chat, à demain. Sorry, I ain't money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. For the love. next time we're jamming at the party. And you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Salento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold. Tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. Turn me on, turn me on. Let me jam you. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, friend, you took the heart out of every bit of my soul. Go ahead, poison my veins, but you'll never stop the blood flow. But you just gotta let me know. You gotta tell me yes or no. Give me a sign before you go. Oh, oh, oh. But you just got to let me know. You gotta tell me yes or no. Give me a sign before you go. Ça y est, c'est l'été, hein. 21 juin, bonne fête de la musique. Je m'appelle Adrien Thomas. Dites-moi ce que vous faites, la minuit 20, est-ce que vous avez fini votre soirée? Je veux tout savoir, vous me faites un petit Snapchat. Mon pseudo, c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. Dites-moi un petit peu si vous avez fait la teuf ce soir ou si vous êtes resté à la maison. Alors, j'ai vu tout à l'heure un Snap de Jérémy qui disait qu'il était chez lui, qui est resté chez lui ce soir, parce que demain, il y a encore des épreuves. Donc voilà, force, courage. Je pense à tous ceux qui ont encore des épreuves. Le hashtag, c'est parti fun, tout simplement aussi. J'ai des tweets qui sont devant moi, devant les yeux. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je lis vos snaps, je lis vos tweets. Et puis surtout, je vous prépare un remix assez fou de David Guetta et Zara Larsson. This One's For You par Stéphane Dabrouck. The Chainsmokers.